19h mardi soir, tu te décarcasses pour savoir où passer ta soirée. Le concert de basse et de maracas est annulé. Et ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du bonheur te changent les idées, te remettent les accus à neuf. Les mardis de l'espace au salon du bonheur. Merci beaucoup de votre présence, merci d'être là pour ce nouveau mardi de l'espace avec le CNES bien sûr qui organise la soirée, le Centre National d'Études Spatiales et puis l'association Barre des Sciences Paris également. On a les tweetos de My Science Work aussi qui sont là et oui, on va pouvoir, vous allez pouvoir éventuellement suivre cette soirée sur Twitter ou même poser vos questions via Twitter si vous avez envie. Il suffit pour cela de noter le hashtag KnesTweetUp. Voilà, KnesTweetUp, et vous pouvez participer à cette soirée aussi sur Twitter. Voilà, en live et sur Twitter, les deux. Alors, on se demande aujourd'hui, Chine, Inde, trois petits points. Que veulent les nouvelles puissances spatiales? Trois petits points, parce qu'il y a d'autres pays après la Chine et après l'Inde. Que veulent-elles dans l'espace? Eh oui, on voit bien qu'il y a une envie d'espace, une nouvelle envie d'espace chez certains pays. Et on l'a vu encore, pas plus tard que voici, ces jours-ci, de façon spectaculaire, avec ce véhicule, Shenzhou 10, qui est arrivé sur un laboratoire dans l'espace, Tiangong 1, avec trois taïkonautes, trois astronautes chinois, qui sont arrivés sur cette base spatiale. Et avec une femme en particulier, Wang Yaping, qui a été mise en avant. Voilà, ça c'est spectaculaire et on voit là vraiment cette envie d'espace. Et on voit aussi que pas à pas, dans le domaine spatial, la Chine est en train de parcourir le chemin que, avant elle, ont tracé ses glorieux prédécesseurs, que sont les États-Unis, que sont la Russie, avec un chemin qui est tout tracé, d'abord des lanceurs, des satellites, et puis on envoie des hommes, et puis on fait en sorte qu'ils se rencontrent dans l'espace, que deux véhicules se rencontrent. On envoie une base spatiale, et puis on organise des envois d'hommes sur cette base spatiale. Alors nous, Européens, qui n'avons pas eu de station spatiale, qui n'avons même jamais envoyé, avec nos propres moyens, des hommes dans l'espace, on regarde ça, peut-être qu'on est un peu impressionnés, peut-être qu'on est un petit peu jaloux même de cette réalisation, c'est pas impossible. Mais en tout cas, on va se poser plusieurs questions. Que veut la Chine avec ses vols habités? Alors les vols habités, évidemment, c'est spectaculaire, mais en fait, c'est une toute petite partie de l'immense iceberg. La Chine aussi, elle impressionne en lançant son propre système de géolocalisation, son propre système GPS qui s'appelle Beidou. La Chine, elle impressionne encore quand elle organise la destruction de l'un de ses satellites en vol en tirant un missile depuis le sol en 2007. Donc que veut la Chine? Où va-t-elle s'arrêter? Et puis après elle, il y a d'autres pays qui marchent sur ces brisées, qui sont l'Inde bien sûr, qui sont la Corée du Sud, qui sont le Brésil, qui sont... l'Iran aussi, qui a aussi des ambitions dans l'espace. Bref, pourquoi cet appétit d'espace dans les puissances émergentes? Ça, ce sont les questions qu'on va probablement se poser. Je dis probablement parce que c'est en grande partie vous qui allez faire cette soirée, vous, par vos questions, que vous allez pouvoir poser à nos deux intervenants de ce soir, que je vous demande de bien vouloir accueillir, s'il vous plaît. Alors c'est Richard Bonneville, merci beaucoup d'être avec nous, et Isabelle Sourbès-Verger, ils sont là tous les deux, c'est parfait. Est-ce que vous voulez bien nous dire un mot, Isabelle Sourbès-Verger, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes? Donc, je suis géographe, je suis chercheur au CNRS, je travaille depuis pas mal d'années sur les politiques spatiales, en regardant un petit peu comment l'espace est occupé, puisque comme toute géographe, j'ai un terrain. Alors moi, le terrain, il est vaste, il est en plusieurs dimensions, il tourne, il bouge. Alors, il n'est pas aussi semblable à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de route dans l'espace, il y a plein de choses, il n'y a pas de port, enfin bon, c'est très très différent. Et par ailleurs, je travaille sur les comparaisons entre les grands pays et voir un petit peu si les motivations des uns recoupent, si les motivations des uns recoupent les motivations des autres. Donc géographe, chercheur au CNRS, directeur adjoint du Centre Alexandre Coiré, qui est l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Oui, alors en plus, on a trois tutelles, le CNRS, le HESS et le Muséum National d'Histoire Naturelle, puisque dans le laboratoire, on a des choses très anciennes, on a les mathématiques et la rhétorique, mais on a aussi des choses sur la biodiversité, le gaz de schiste et l'espace. Le HESS, c'est donc l'école des hautes études en sciences sociales. Et puis, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Un empire très céleste ». C'était en 2008 chez Duno. Voilà, j'ai co-écrit. Voilà, vous avez co-écrit à propos de la Chine, bien sûr. Hein. « Un empire très céleste » chez Duno. Et puis, Richard Bonneville. Je suis le directeur adjoint des programmes et de la stratégie du CNES. Je m'occupe plus particulièrement des programmes scientifiques, scientifiques en général, sciences de l'univers, sciences de la Terre. J'ai un penchant, si je peux dire, pour tout ce qui touche à l'exploration humaine et habitée du système solaire. Et dans la direction des programmes, il y a également les relations internationales, ce qui sans doute explique ma présence ici ce soir. Absolument. Les relations internationales dont on va parler abondamment aujourd'hui. Donc, dans ma petite présentation, j'ai beaucoup insisté sur la Chine, mais il y a aussi l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil, l'Iran, et puis d'autres peut-être encore. Ces pays investissent le domaine spatial ou disent vouloir le faire. Pourquoi ? À quoi ça leur sert ? Qu'est-ce qu'elles espèrent ? Qu'est-ce qu'ils espèrent, ces pays ? Isabelle Sauberger et puis Richard Bonneville. Allez-y, ouais, là, celui qui veut. Bah, d'une certaine façon, je crois que depuis 1957, l'espace est un symbole de modernité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous montrez que vous êtes capable d'envoyer quelque chose au-delà de l'atmosphère, vous démontrez une technologie, alors qui n'est peut-être pas si sophistiquée que ça, qui n'est peut-être pas si complexe que ça, surtout aujourd'hui, on est quand même 60 ans plus tard. Mais vous avez la possibilité de maîtriser un autre milieu. Je crois que ça, symboliquement, c'est très fort. Alors après, il y a bien d'autres raisons. C'est en particulier les satellites d'application. Parce que quand vous êtes un pays en voie de développement, des infrastructures terrestres, vous en avez très peu, vous n'en avez pas beaucoup. Quand vous êtes un pays de la taille d'un continent, hein, la Chine, l'Inde sont des immenses pays avec en plus des conditions naturelles difficiles, des conditions géographiques difficiles. Là aussi, un satellite de télécommunication, ça vous permet de desservir des territoires, ça vous permet même de donner de l'Internet, ça vous permet de faire de la télémédecine, donc énormément de choses. Alors quand nous, on en parle occidentaux, ça a l'air un petit peu de faire la plaquette de pub, l'espace au service de la Terre, etc. Dans ces pays-là, pas du tout. C'est véritablement un investissement économique qui est très rapidement rentabilisé. La difficulté, vous parliez de la Chine, on va commencer par elle, c'est que ces pays n'ont pas forcément de transfert de technologie. Et un satellite de télécom performant, efficace, eh bien, c'est difficile à construire, beaucoup plus qu'un lanceur quelque part. De la même façon, vous faites de l'observation de la Terre, ce qui vous permet de faire de la gestion du territoire, du suivi agricole, du développement des villes, de l'évolution des risques majeurs avec l'analyse des lits des rivières, etc., etc. Donc il y a des raisons totalement objectives et évidentes pour que des pays comme la Chine ou l'Inde, mais peut-être un jour l'Iran dans un contexte sans doute différent, se sentent tout à fait habilités à faire de l'espace. Et puis il y a des idées peut-être un petit peu plus globales, par exemple en Asie. Il est vrai que le Japon a une avance technologique et scientifique très importante sur la Chine. Il l'a toujours encore dans le domaine du spatial, même s'il ne fait pas de spatial habité. Pour la Chine, montrer qu'elle aussi est présente dans l'espace et faire parler d'elle dans les médias sur l'espace, c'est un élément d'influence régionale. Ce n'est pas crucial, mais c'est quelque chose qui est un plus, indéniablement. Donc du symbole, hein, des applications, ça va être utile. Et puis on va avoir une sorte d'influence régionale, une sorte d'aura. Régionalement, Richard Bonneville. Oui, je crois que c'est très important pour ces pays. D'abord, dans le spatial, ça leur permet de démontrer leur savoir-faire. C'est un instrument, en quelque sorte, de puissance régionale et aussi mondiale. C'est aussi un moyen de développer une industrie sophistiquée. Par exemple, la Turquie a commencé par nouer des coopérations avec divers pays, et elle essaye progressivement d'assembler ses propres satellites à partir de ces coopérations. Donc je pense que c'est important, c'est un vecteur de développer des technologies avancées. Quelque chose de particulier, c'est la question des volabilités. Effectivement, il y a les applications, les télécommunications, l'observation de la Terre. C'est très important pour ces pays, surtout des pays émergents qui peuvent avoir des infrastructures sol défaillantes. Le spatial permet, par exemple, dans le domaine des télécoms. Alors, est-ce qu'on peut prendre quelques exemples là, dans les télécoms? J'ai pas besoin de mailler machine avec de la fibre optique. J'ai quelques satellites et j'arrive à faire des télécoms. C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. Dans des pays où l'habitat est dispersé et les infrastructures soit difficiles à installer, soit inexistantes pour diverses raisons, le satellite permet d'avoir ces liaisons télécommunications sur l'ensemble du pays. Donc c'est intéressant. Mais à côté de ce volet appliqué, il y a aussi l'observation de la Terre qui a un intérêt dual, aussi bien pour le suivi des ressources, leur exploitation, le climat, la météo, etc. Et puis également, c'est intéressant de voir ce qui se passe chez le voisin. Quand on dit dual, ça veut dire civil et militaire. Ça intéresse Et puis, il y a un aspect un peu particulier. Aujourd'hui, c'est essentiellement la Chine. C'est un effort important sur le vol habité qui, lui... on ne voit pas trop l'aspect appliqué. Là, il s'agit vraiment de... Il n'y a pas d'application directe, là. On n'en voit pas beaucoup. C'est de l'image, c'est quoi? Il s'agit de montrer son savoir-faire, montrer qu'on sait envoyer un homme dans l'espace. Et jusqu'à présent, il n'y a que deux pays qui avaient réussi à le faire, les États-Unis et la Russie. Et la Russie, voilà, ils sont quand même le troisième à l'avoir fait. Absolument. Isabelle Sourbès-Verger. Oui, et je pense que c'est aussi l'idée pour la Chine qui est très importante de faire ce qu'ils appellent en anglais le catch-up, le rattrapage. Ah oui. Et être reconnu comme comblant ce fameux retard qui a valu à la Chine d'être opprimée, d'être méprisée, etc., etc. C'est très amusant de lire un bouquin en chinois ou indien. Hein. Alors maintenant, il y en a quelques-uns qui sont traduits en anglais. Et généralement, ils commencent tous en disant les fusées ont été inventées par l'Inde ou les fusées ont été inventé par la Chine. Et c'est pas faux. Bon, c'était d'autres types de fusées, mais c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, les fusées à poudre, oui, au XVIIIe siècle, les Anglais ont saisi un stock de fusées avec lequel les Indiens venaient les battre à une bataille quelconque. Bon, alors après, les Indiens ont perdu et les Anglais ont gagné, on a remarqué, mais ils ont effectivement récupéré ces fusées et les ont étudiées. Alors, c'est pas le principe du moteur-fusée, mais c'est le principe de la poudre. Et ces pays sont très marqués par le colonialisme et le fait qu'ils n'aient pas pu y participer et qu'ils aient été au contraire colonisés pour l'Inde ou en tout cas passablement mis de côté pour la Chine. Et l'idée aujourd'hui d'avoir la totalité du spectre des capacités dont le spatial habité, et si un jour il devait y avoir une grande expédition internationale vers Mars, pouvoir dire, nous on a les compétences, on a les capacités, on a les vaisseaux, on a l'expérience, eh bien c'est pour la Chine une vraie reconnaissance. Je ne crois pas que ça soit faire la course, je crois que c'est beaucoup plus montrer qu'on a rejoint le club. Donc il y a des aspects psychologiques au niveau d'un pays, la Chine qui a envie de reconnaissance, qui a envie de prendre une certaine revanche sur l'histoire. Jusqu'au disons 17e, 18e siècle, la Chine avait... Un PIB, par exemple, qui était sans doute le premier du monde. Hein. Et ils avaient jusqu'à la Renaissance, technologiquement très en avance sur le reste du monde. Et puis il y a eu cette phase de déclin provisoire, lorsque la Chine, d'ailleurs, s'est refermée sur elle-même. Et puis ensuite, il y a eu on ne peut pas dire la colonisation de la Chine, mais enfin disons l'asservissement de la Chine avec les guerres de l'opium, etc. Et effectivement, par le Japon, là. Et donc effectivement, ils ont une revanche à prendre sur l'histoire. Et ils veulent montrer que il y a eu un trou, mais maintenant ils sont à nouveau dans le peloton de tête. Et ils voudraient même prendre la tête probablement. Ils voudraient prendre la tête, vous dites ça? Ça dépend à quel prix. à quel prix financier, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de domaines où prendre la tête. Donc, vous pouvez faire ça dans le domaine des biotechno, vous pouvez faire ça dans le domaine... Ils n'ont que le choix, c'est ça que vous voulez dire? Non, je pense qu'en revanche, ils ont là encore pas mal de retard. Moi, j'ai beaucoup entendu dire en Chine qu'aller dans l'espace, c'était très bien, mais que le jour où il y aurait un prix Nobel chinois, ce serait quand même encore mieux. Et la Chine est très consciente du retard qu'elle a encore dans un certain nombre de domaines scientifiques. Elle ne va pas avoir éternellement... Il n'y a pas de prix Nobel scientifique chinois. Non. Donc du coup, c'est vrai que c'est extrêmement important pour la Chine de rattraper ça dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'on resterait sur la Chine un petit peu, là, et on pourrait parler justement de ces vols habités, Shenzhou 10, Tiangong 1, ça vous impressionne, Richard Bonneville, ou pas? Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse avec laquelle, justement, en quelques années, la Chine a parcouru tout le trajet qu'avaient passé les Américains et les Russes dans les années 60-70, envoyant l'homme dans l'espace, le rendez-vous, la sortie extravéhiculaire, etc. Maintenant, on en est à peu près au niveau Salyut, les Russes Salyut. Salyut, c'était une station, spatiale. Visitable des Russes dans les années 60-70. Qui avait été envoyé en une fois. La Salyut, oui, c'était un module. C'était un module, voilà, envoyé en une fois dans l'espace. Et puis maintenant, bon, il y a Tiangong 1. L'année prochaine, il y aura Tiangong 2, qui sera un peu plus sophistiqué. Et puis, apparemment, vers la fin de la décennie, une station spatiale qui sera un peu l'équivalent de ce qu'était Mir en Russie. Bon, effectivement, c'est peut-être pas les technologies les plus sophistiquées, mais à quoi bon ? Je veux dire, je crois qu'il s'agit d'utiliser des choses éprouvées. D'ailleurs, au début, les Chinois se sont inspirés, enfin, ont utilisé les méthodes russes. Hein. Ils ont eu une assistance des Russes. Et puis, c'était très important, ça, c'est parce que vous dites, voilà, des technologies éprouvées, des technologies robustes, c'est peut-être pas extraordinairement, on n'est pas au nec plus ultra de la technologie d'aujourd'hui. Quand vous dites ça, ça me fait penser à la technologie russe, ça me fait penser à ce qu'on dit des Russes dans l'espace. Est-ce que c'est parce que justement il y a paternité, je dirais, du spatial russe vers le spatial chinois? Je pense que oui, mais bon, il y a également pas mal de différences, mais ça tient, c'est l'ensemble de la culture industrielle chinoise vis-à-vis de la culture industrielle russe. Enfin, ça, c'est un autre débat. D'accord. Isabelle Stourbès. Juste pour compléter, ce qui s'est passé, c'est que quand en 1991, l'Union soviétique a cessé d'exister, le programme spatial a cessé d'être financé. Et quand je dis cesser d'être financé, c'est complètement. Il n'y avait plus de budget spatial. Donc les entreprises spatiales ont survécu en proposant absolument à tout le monde les technologies les plus éprouvées qu'elles avaient. Ça a été quand même le début d'une reconversion de la station spatiale internationale qui n'était pas du tout prévue comme elle a été ensuite développée. Et ça a été surtout l'occasion pour les Chinois d'aller acheter ces fameuses technologies russes sur lesquelles ils ont appris. Donc ils ont acheté ça à partir de 92. Ils ont commencé à entraîner des taïkonautes en Russie. Et puis, ils ont quand même mis 10 ans à s'approprier ces technologies, justement à les adapter à leur culture industrielle. Et en 2003, ils ont fait voler le premier homme. Donc, c'est à la fois très rapide et pas si rapide que ça. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'un programme qui n'a pas besoin de faire un coup médiatique, mais qui, de toute façon, est décidé et garanti dans la durée. Donc, on dépense pas des sommes fabuleuses. On réutilise des technologies russes qui ont fait leur preuve. Hein. Elles sont toujours à bord de la station et elles permettent toujours aux cosmonautes de monter et de descendre, si on peut s'exprimer comme ça. En tout cas, d'aller à la station et d'en revenir. Et progressivement, ils suivent ces étapes que vous décrivez, Richard Bonneville, avec, en 2020, à peu près 20 ans de retard sur la station Mir des années 2000. Alors, quand on voit ce parcours, est-ce qu'il faut être impressionné ou pas? J'arrive pas à ça. Voilà. Parce que c'est difficile, hein. Il y a deux façons de voir les choses. Ouais. Moi, ça m'amuse beaucoup. Alors, j'ai très mauvais esprit, donc autant vous le dire. Comme ça, vous allez vous en apercevoir. Personne ne sera étonné. Bon, c'est peut-être le côté chercheur. J'ose pas imaginer ce qui se passerait si l'Europe lançait un vaisseau dont on dise que ça ressemble à ce que faisaient les Russes dans les années 70. Ah oui, c'est ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire « Est-ce que vous êtes très impressionné ?» Donc, c'est si vrai, vous voulez... Alors, à côté de ça, bien sûr qu'on est impressionné. Mais je veux juste dire, on est impressionné parce qu'ils sont chinois. Donc, il y a quand même un peu ça. Je crois que c'est une partie d'un tout. Quand on voit Pékin il y a 20 ans et Pékin aujourd'hui, c'est plus la même ville. Donc ça fait partie d'un bouleversement complet de la Chine. Bon, j'enfonce une porte ouverte là, mais... Alors, et dans le domaine des satellites, donc on a parlé un petit peu des vols habités, on a vu toute cette paternité russe, on voit ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, mais c'est vrai, avec des technologies éprouvées, qu'ils ont achetées pour une bonne part, mais qu'ils développent aussi pour une autre part. Les satellites, alors, on a ce système Beidou, là aussi, qui est relativement impressionnant, ce GPS à la chinoise. Qu'est-ce qui vous inspire, Richard Bonneville ? Voilà. Effectivement, il développe le système Beidou. Pour l'instant, c'est un système qui est déployé, disons, à l'échelle régionale. Mais enfin, ils ont l'ambition, vers la fin de la décennie, d'avoir un système qu'ils appellent Compass, qui a une couverture mondiale. Alors, vous avez une idée du nombre de satellites Non, quelques dizaines. Alors, dans certains domaines, par exemple les radiocommunications, il y a encore un retard technologique par rapport à ce qui se fait à l'Ouest. Mais je suis convaincu que c'est un retard qu'ils sauront combler, et qu'ils sauront combler d'autant mieux que l'Occident, essentiellement les Américains, cherchent à leur verrouiller tous les moyens d'accès à la technologie. Je pense que ça a un effet contre-productif, ça ne peut que les inciter, comme disait le président Mao Tse-Tung, à ne compter que sur leurs propres forces. Alors, il faut s'arrêter une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, verrouiller ? Les Américains sont en train de verrouiller les transferts de technologies vers la Chine ? Il faut expliquer. Bien, les Américains pensent que la Chine est un agent de prolifération de certaines technologies qui peuvent servir, par exemple, à faire des missiles. C'est pour ça que la Chine est placé au même rang, dans le même sac, si on peut dire, que l'Iran ou la Corée du Nord. Ça veut dire que... Par les États-Unis. Ça veut dire qu'un composant américain, enfin, pas n'importe quel composant, un composant américain spatial, spatialisé, etc. Donc, qu'est-ce que ce serait, quoi ? Ce serait un instrument scientifique ? Ça peut être un processeur, un ASIC, un Star Tracker, un sensor de... un composant un peu sophistiqué, il est placé sur une liste et il n'a pas le droit d'être exporté en Chine pour y être lancé. Et c'est vrai pour la législation américaine, mais c'est par exemple, un Européen ne peut pas dire « Ah ben, j'achète un composant américain et je vais le livrer en Chine. » C'est hors de question. Et d'ailleurs, Thalès a eu quelques ennuis là-dessus. Non, ça incite les industriels européens, par exemple, qui veulent faire du business, à développer des technologies ITAR free. Ces contraintes s'appellent ITAR, ces réglementations ITAR. Évidemment, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc c'est une stimulation pour l'innovation en Chine, finalement. C'est une stimulation, ça prend du temps, mais... Parce que si je ne peux pas acheter les systèmes sur étagères américaines, ben je vais fabriquer mes propres étagères. Exactement, ouais. Mais ça prend un peu de temps, mais je pense qu'à moyen terme, ça incite... Je vais donner un exemple un peu caricatural. On a un projet de coopération avec eux, on a une sonographie. Manque de peau, l'instrument qu'on voulait mettre sur un satellite chinois, il comprend beaucoup de composants américains. Et maintenant, une partie de ces composants sont sur la liste rouge. Donc, on dit aux Chinois, on a un problème. Les Chinois nous disent, bon, dites-nous quel type de composants vous avez besoin, on va essayer de vous les trouver. Je ne vais pas dire les acheter sur le marché noir. Oui, non, bien sûr. Je veux dire de faire l'équivalent. Oui, est-ce que le savoir-faire n'existe pas en Chine ? Mais bon, après tout, beaucoup de composants grand public américains sont fabriqués en Chine. Ah oui. Bah oui, ce que vous avez dans votre téléphone ou dans votre PC, c'est fabriqué en Chine. Et donc, la morale de l'histoire, oui, ils sont prêts à avoir cette démarche à dire, voilà, bah écoutez, on va voir si on peut pas se débrouiller. Mais est-ce qu'ils y arrivent justement ? Le satellite océanographique va se faire ? Un autre exemple, une autre mission de coopération en astrophysique qu'on avait avec les Chinois, là aussi on avait un problème puisqu'ils devaient utiliser une plateforme française. Pas question d'utiliser une plateforme française puisqu'elle serait lancée depuis la Chine. Ah, une plateforme, il faut rappeler ce que c'est, une plateforme. Une plateforme, c'est la boîte sur laquelle on met les instruments. Voilà, quand on fait un satellite scientifique, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les instruments scientifiques, mais il faut que les caméras, etc., les spectromètres, c'est tout, que sais-je. C'est la servitude. Voilà, la servitude, donc tout ce qui est électricité, propulsion, etc. Ça, c'est la plateforme. Voilà. Et on leur dit, on peut pas, c'est pas possible, ça peut pas aller en Chine parce qu'il y a des composants américains. Et 2 années passent, Et maintenant, ils nous disent, la plateforme en question, on va la faire l'équivalent. Et on s'aperçoit qu'ils ont également recruté des personnes, des Chinois, qui avaient été formés en Occident et qui sont revenus chez eux. Voilà, et qui vont leur apprendre à faire. Donc ils savent faire. En même temps, c'est vrai que cette histoire est très compliquée. Je crois qu'il n'y a pas de bonne solution ni pour les Européens ni pour les Américains, parce que avec ce système-là, c'est ce que vous évoquez, les Chinois un jour ont acheté un satellite de télécom. Le système de le principe de l'ITAR qui font interdit les transferts de technologie. Ouais. Alors bon, effectivement, 80% j'imagine des composants d'un satellite fabriqué en Occident sont sous licence américaine. Et ceux qui sont le plus victimes de ça sont les Japonais d'ailleurs. Et effectivement, quand vous avez une réglementation aussi dure, pour les Chinois, l'idée, c'est soit de le développer en interne, soit de l'acheter. Et puis, pendant qu'on l'achète, parce qu'on a besoin du satellite... Attendez, mais on ne peut pas l'acheter, justement. Si. Ils ont acheté un satellite à Thales Alenia Space, qui était un satellite dit ITAR-free. C'est-à-dire que l'industriel s'est engagé à ne pas utiliser du tout, c'est ça qui est important, de composants américains. Alors attendez, je devine. Le satellite, ils ne l'ont pas lancé, ils l'ont gardé pour regarder comment il était fait. Et on a fait beaucoup plus fort, on l'a lancé nous, parce que vous n'avez pas non plus le droit de faire lancer sur un lanceur chinois un satellite qui est fabriqué en utilisant des composants américains. C'est ce qui s'appelle un truc de monopole complètement verrouillé qui peut vous expliquer pourquoi la Chine a envie d'être autonome dans l'espace, si vous y réfléchissez. Donc, ce satellite, il a bien été acheté aux Européens. Thales a déclaré que ça coûtait 30% de plus que le prix normal de fabriquer les composants qu'ils ne pouvaient donc pas acheter directement sur le marché. Donc, ils l'ont bien vendu. Tout ça, c'est resté européen. Ça a été assez amusant parce que les Chinois ont déclaré que finalement, ils étaient prêts à payer les 30%. Ce qui est devenu dans la presse américaine, les Chinois financent Thales pour s'émanciper des trucs américains. Donc, ça fait un petit pataquès international. Bon, c'est toujours sympa. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, comme vous l'évoquiez, probablement que tous les composants n'étaient pas totalement ITAR, parce que c'est quasi impossible. Et quand l'administration... Ils n'étaient pas totalement ITAR-free. ITAR-free. Et oui. Quand l'administration américaine décide de tracer un produit... vous imaginez pas, c'est des tonnes de paperasse. C'est absolument innommable. C'est extrêmement compliqué. Si bien que ce que je remarque, c'est que Thales propose plus beaucoup de satellites ITAR-free. Mais cette politique, elle a permis aux Européens et non pas aux Américains, c'est là que nous on s'en sort bien, de vendre un satellite et de vendre un lancement. D'où le mécontentement des industriels américains qui finalement, eux, ne peuvent pas vendre de satellites aux Chinois et qui voient les Chinois développer leur propre technologie parce que finalement, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions. Donc ça veut dire que cette méthode, si je peux dire, ITAR, elle est contre-productive ou de toute façon, on n'avait pas le choix. Elle a des inconvénients. Oui, c'est ça, elle a des inconvénients. Est-ce que les inconvénients dépassent les objectifs? C'est difficile à dire. Si vous posiez la question à Obama, je pense qu'il vous dirait que ça dépasse les objectifs visés, mais comme le Congrès américain a été convoqué, le conseiller pour la science du président, parce qu'ils avaient juste évoqué l'idée de faire de la science ensemble avec la Chine, je pense qu'il n'a pas trop le choix. Il n'a pas le choix, mais si ça tenait qu'à lui, il reviendrait en arrière. C'est George W. Bush qui avait installé ce... Enfin, c'est sous... même avant George W. Bush, d'accord. Donc c'est vraiment l'affaire ancienne. Ça s'est récemment durci considérablement. Considérablement, oui. Voilà, on parle de Chine, et puis encore plein de choses à dire sur la Chine. Mais peut-être qu'on peut passer d'autres pays en revue. L'Inde, par exemple. Il ne m'a pas échappé, M. Bonneville, que Jean-Yves Le Gall, nouveau patron du CNES, a réservé sa première visite à l'Inde. Et alors j'ai vu effectivement le communiqué dans lequel les deux parties, le CNES et l'ISRO, donc, qui est l'agence spatiale indienne, se félicitent de leur excellente relation, disent qu'elles ont plein de projets. Alors le communiqué ne détaille pas lesquels, mais voilà, il y a une bonne relation là avec entre la France et l'Inde. Oui, il y a de bonnes relations entre la France et l'Inde. Bon, on a eu deux projets coopératifs, Mégatropique sur l'étude du climat intertropical et Altica sur le satellite Saral, c'est de l'océanographie. C'est pas toujours facile de travailler avec nos collègues indiens. Hein. La notion du temps n'est pas la même dans le système hindouiste et dans nos systèmes occidentaux. C'est-à-dire qu'il est légèrement... Il se dilate. Il se dilate, comme la rate. Il se dilate en Inde. Mais bon, les Indiens ont développé un lanceur, les PSLV, qui marchent bien, qui ont eu beaucoup de succès. Ce sont des lanceurs de gamme intermédiaire. Qui sont extrêmement... Gamme intermédiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire une sorte d'Ariane 4 Ça peut lancer, disons, typiquement, entre 2 tonnes, disons, en orbite basse. Hein. Et c'est, enfin, 2 à 3 tonnes. Donc, pour des satellites en orbite basse, type héliosynchrone, les satellites utilisés pour l'observation de la Terre, pour la météo, etc., c'est parfaitement bien adapté. Et donc, c'est le genre de projet qu'on a avec eux. Bon, on les a invités à... Donc, eux lancent leurs propres satellites. Ils ont leur lanceur PSLV qui donne de bons résultats maintenant. Ça n'a pas été simple. Hein, ça, ils ont connu pas mal d'échecs aussi. Oui, et puis, enfin, ils ont eu des échecs aussi avec leur lanceur lourd, le GSLV, dont ils vont lancer, essayer un nouvel exemplaire là cet été. Avec lequel ils ont des ambitions importantes, en particulier, ils parlent de missions martiennes. Hein, ah oui. Enfin, pour l'instant, ils ont déjà des ambitions. Missions martiennes, c'est pas des hommes, hein, c'est. Hein, des... Absolument. On voit, ils ont des ambitions lunaires robotiques, hein, puisqu'ils ont envoyé deux orbiteurs lunaires. D'ailleurs, les Chinois aussi ont lancé tout un programme d'exploration robotique de la Lune. Avec eux, il n'y a pas de problème. ITAR. Plus exactement, c'est relativement facile d'obtenir des licences pour les composants américains avec les Indiens. Ils ne sont pas considérés comme un pays proliférant. Hein. Donc je pense qu'on va continuer la coopération avec eux. Hein. Et effectivement, dans la conception de la dilatation du temps à l'indienne, il y a aussi le fait que l'Inde a pour l'instant peu d'industrie spatiale. Et ça, je pense que c'est très important. C'est l'ISRO qui se charge de l'intégration des satellites et qui, en gros, cherche sur le marché indien quelles technologies existent et sont fabriquées dans quelle entreprise et ensuite demande à l'entreprise d'adapter le produit aux contraintes particulières du spatial avec, bien sûr, à terme, l'idée de créer cette industrie spatiale et de développer. Mais ce qui est important, ce qui est extrêmement difficile dans l'espace, c'est les contraintes physiques qui existent dans l'espace en termes de, et au moment du lancement, les vibrations, oui. Le rayonnement, etc. Les radiations. Les problèmes de température, l'écart de température, la durée de vie du composant qui est indispensable parce que si quelque chose, même s'il y a de la redondance, on ne peut pas les réparer. Et ce que je voulais dire sur l'industrie spatiale, c'est que du coup, en l'état actuel des choses, dans la mesure où vous n'avez pas une industrie derrière qui a des contraintes économiques, vous pouvez beaucoup plus facilement faire glisser. C'est le temps, c'est beaucoup moins grave. Si vous décaliez aujourd'hui, si l'ESA décalait pour EADS, Thales ou n'importe lequel de ses fournisseurs un programme de 10 ans en disant on va étaler et on va payer sur 10 ans, je pense que l'entreprise aurait un petit peu de mal en termes de cotation en bourse. On n'est pas pressé finalement. On n'est pas pressé par les raisons économiques. Disons que la structure industrielle aujourd'hui permet à l'Inde de continuer quand elle ne se sent pas prête, à faire glisser. L'avantage, c'est que ça lui coûte sans doute un peu moins cher. L'inconvénient, c'est que vous utilisez des ingénieurs très spécialisés, au bout d'un moment, à faire de la production en série, ce qui n'est probablement pas très valable sur le plan économique à terme. Et ce débat en Inde aujourd'hui, c'est un débat extrêmement fort entre les anciens tenants d'un spatial, un petit peu spatial d'État avec une grosse agence, et des gens qui seraient plus favorables à une libéralisation et à la création d'une industrie spatiale. Et jusqu'à présent, par exemple, les lanceurs, bon, on a parlé de la filière, enfin, les lanceurs PSLV, l'Inde ne s'est pas donné beaucoup de mal pour commercialiser ses lanceurs. Hein. Alors que les Chinois, au contraire, ils cherchent à vendre du Long March. Hein. C'est le lanceur, c'est la gamme de lanceurs, ouais. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de vendre leur PSLV? D'abord parce qu'ils ont assez de tirs avec ce dont ils ont besoin. Parce que la grande différence entre les Européens, les Chinois et les Indiens, c'est que les Chinois et les Indiens, c'est ce qu'on disait en début, ils ont beaucoup de satellites à lancer. Et comme ce sont des satellites qui sont moins puissants, qui ont des durées de vie moins importantes, ils ont tendance à devoir les renouveler un petit peu plus régulièrement. Donc déjà, leurs propres besoins en termes de rentabilisation économique sont assurés. Par ailleurs, un lanceur, ça coûte cher, sauf à le fabriquer en série et avoir une politique purement commerciale. Ce n'est pas le cas de l'Inde. Et puis l'Inde, je crois qu'elle préfère coopérer gentiment avec tout le monde plutôt que d'apparaître comme un concurrent avec éventuellement un petit peu moins de bonne volonté de la part des partenaires qui pourraient se sentir défiés. Alors, on va continuer notre petit tour. Hein. Donc, voilà, la Chine, l'Inde. De qui est-ce qu'on a envie de parler encore? Je ne sais pas, le Brésil, par exemple. Ah, Richard Bonneville et Isabelle Sourbès ont eu un petit rire. Le Brésil. Quand j'ai dit le Brésil. Alors, bon, il y a quelques années, le Brésil avait voulait développer une filière de lanceurs. De la base, ils ont une base spatiale à Alcantara, qui est à peu près sur l'équateur. Ça s'est mal terminé, si on peut dire. Il y a eu en particulier un accident assez grave qui a mis provisoirement un coup d'arrêt à leur ambition. Aujourd'hui, ça repart. Cet accident, c'était en 2003. J'ai noté 15 morts. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Je pense que ça a dû exploser sur le pas de tir. Oui, ça a explosé sur le pas de tir, oui. Comme ça se produit parfois. Oui. Mais attendez, quand on remplit, etc., on prend des précautions. Les précautions, à votre sens, n'avaient pas été prises? Attendez, je crois qu'il y a eu un certain nombre d'accidents dans l'histoire du spatial, qui sont assez classiques. Donc, après, on les oublie. Enfin, oui, mais c'était plus dans les années 60, 70. Bah, pour eux, ça revenait à ça. Oui, mais comme ils n'ont encore jamais tiré, on est pour eux dans les années 60. Ils n'ont encore jamais tiré. Ils n'ont pas eu un seul vol réussi. Aujourd'hui, ils ont loué une coopération avec les Ukrainiens, je crois, pour utiliser la base d'Alcantara. Hein, et ils ont leur base au Brésil. Leur base au Brésil, tout à fait. Et ils ont également des coopérations. Donc les Ukrainiens pourraient tirer un lanceur sur la base ukrainien sur la base d'Alcantara au Brésil. En profitant de sa position sur l'équateur. Parce que c'est une bonne base spatiale, hein, elle est bien placée, non? Bien placée, en tout cas. Théoriquement, quand vous voulez faire un lancement géostationnaire, c'est bien placé. Si vous voulez faire des lancements polaires, ça n'a aucun intérêt. Et puis surtout, Alcantara, elle est quand même très proche de tout. Il faut expliquer tir équatorial, géostationnaire. Oui, c'est ça, un tir géostationnaire, c'est un satellite qui a une grande particularité. Il a une vitesse angulaire qui est équivalente à celle de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, le temps que la Terre tourne sur elle-même, le satellite, lui, décrit son orbite autour de la Terre, si bien que les deux restent alignés. Alors, aligné à 36 000 km, le satellite, il faut que vous fassiez... C'est les vues météosat que vous pouvez voir à la télé de temps en temps. Donc, vous avez 60 degrés de latitude nord, 60 degrés de latitude sud. C'est pas détaillé, hein. C'est vraiment des grosses portions. Donc, on est très loin, on est à 36 000 km. Ouais. Mais l'intérêt, c'est qu'on est fixe... On est en face. Donc, pour les télécoms... On est fixe au-dessus d'un certain point, voilà. Et on se situe... À l'équateur. D'un certain point, d'une aire énorme. Oui, d'une aire gigantesque. Et on est dans l'orbite de l'équateur. C'est l'orbite géostationnaire. Sinon, tous les autres, c'est des satellites dits à défilement qui ont des inclinaisons variées et dont l'originalité est qu'en fait, c'est la Terre qui tourne sous le satellite. Il y a toujours, vous imaginez le pelote de ficelle, là, voilà. Le satellite, il tourne. Et le satellite, il tourne, et puis la Terre, elle tourne dessous. Voilà, ça c'est le principe des satellites à défilement. Ouais. Alors après, ils sont beaucoup plus bas. Hein, oui, ça peut être varié, mais mais les satellites géostationnaires ont effectivement, pour aller dans le plan d'équateur, intérêt à partir d'une inclinaison, d'une base dont la latitude se situe le plus proche possible de 0 degré. Voilà. Bon, maintenant, les seuls satellites vraiment performants qu'utilisent les Brésiliens sont des satellites à défilement, sont les satellites d'observation de la Terre. Qu'ils utilisent, mais qu'ils ont fabriqués eux-mêmes ou qu'ils Alors, ont, c'est assez intéressant, ça va vous plaire. Ils les ont fabriqués avec les Chinois. Ah oui, d'accord. Oui, les Chinois, on les retrouve alors là. Oui. Pour des histoires aussi sordides de composants. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, les Chinois étaient, je dirais, barrés sur un certain nombre de technologies occidentales. Les Brésiliens n'avaient pas de moyens de lancement et souhaitaient développer des coopérations un petit peu plus évoluées. Donc les deux se sont retrouvés sur l'idée de faire ensemble le satellite d'observation de la Terre. Ils ont fait ces satellites, ils en ont deux exemplaires. Les Chinois ont continué la filière. Le satellite SBERS présente pour les scientifiques du monde entier une immense qualité et les images sont distribuées gratuitement. Ça, c'est quand même très intéressant. C'est plutôt un succès. Mais si vous interrogez, que ce soit les Brésiliens ou les Chinois, ce que j'ai fait sur le souvenir qu'ils gardent de cette coopération, j'en ai pas vu beaucoup d'enthousiastes. Hein. Le choc culturel a été violent. Ah d'accord. Entre les Brésiliens et les Chinois, ça a été difficile. D'accord. Ça a été difficile. Mais bon, le satellite tourne. Tout ça pour dire que si les Brésiliens... La coopération se poursuit ou elle se poursuit. Ils parlent plus ou moins de faire un SBERS 3. Mais enfin bon, personne n'est très enthousiaste. Pour l'instant, ils attendent et ils regardent. Mais ce qui est amusant, c'est que du coup, si les Brésiliens avaient voulu lancer un satellite de type observation de la Terre, dont ils ont besoin parce que ça leur permet de surveiller l'Amazonie et que c'est pour une ressource vraiment extrêmement importante à tout point de vue, il leur suffirait d'un satellite qui soit sur orbite polaire. Donc la base Alcantara, elle ne se justifie pas. Et après, vous avez encore quelque chose dont on ne sait pas si ça s'apparente au concours d'opportunités ou au marché de dupes, qui est des Ukrainiens qui se retrouvent avec des capacités lanceurs qu'ils ont, avec la disparition de l'Union soviétique, ils se sont retrouvés avec une énorme entreprise, Yuzhmash et Yuzhnoe, qui est capable de fabriquer des lanceurs, mais ils n'ont pas de moteur pour ces lanceurs, parce que les moteurs, ils sont fabriqués par les Russes. Alors, les Russes, ils veulent bien vendre leurs moteurs aux Ukrainiens, parce qu'après tout, ça fait toujours de l'argent, mais enfin, ils ont quand même leur mot à dire dans l'histoire. Et les Ukrainiens, ils n'ont pas de base de lancement. Alors, ils sont en train de discuter en ce moment d'aller voir du côté du Kazakhstan, mais enfin, en attendant, pour l'instant, il faudra que les Russes veuillent, parce que sinon, il n'y aura pas de moteur. Vous voyez, c'est quand même assez compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, les Ukrainiens se sont dit. Bah, tout le monde se tient par la barbichette. Un petit peu, c'est un petit monde, hein, l'espace. C'est un petit monde. Donc, ils se sont dit, bah, finalement, proposer aux Brésiliens qui n'arrivent pas à décoller au sens propre, depuis la base Alcantara, nous on a un lanceur, en partant de 0 degré, il pourrait faire des charges géostationnaires aussi, donc c'est un bon deal. Et puis après, là où c'est devenu un tout petit peu plus compliqué, c'est qu'il a fallu payer. Il a fallu payer l'installation du Tsikhon à Alcantara. Le Tsikhon, c'est le lanceur. C'est le lanceur ukrainien qui a été un petit peu développé pour ça à partir de compétences que les Ukrainiens avaient déjà. Donc là, les Brésiliens ont commencé un petit peu à hésiter et les Ukrainiens, de leur côté, il fallait payer le développement du lanceur. Et ils n'étaient pas très sûrs que ça valait la peine de le payer s'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir le tirer. Pour finir, la question, c'est le carnet de commandes. Alors aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire la question sur le carnet de commandes ? Est-ce qu'il y a des satellites à lancer avec un cyclone tiré depuis le Brésil ? Voilà, avec une société qui est une société ukrainienne et brésilienne avec achat des moteurs aux Russes. Alors la difficulté aujourd'hui. Sachant que c'est un. Comment dire ? C'est un marché, le marché des satellites commerciaux, du lancement des satellites commerciaux, qui est extrêmement tendu. Hein. Il n'y a pas tant de satellites que ça à lancer. Ouais. Et puis Ariane, déjà, on prend la moitié. Oui, alors l'idée, ça serait de faire pas cher. Faire pas cher à la Russe. Alors, bon, à l'Ukrainienne. À l'Ukrainienne, oui. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le carnet de commandes, il reste quand même assez marginal. Il y a un satellite japonais qui est inscrit, mais qui est un satellite scientifique. Il y a peut-être un satellite qui serait fait avec le Brésil et l'Argentine, donc c'est pas trop. Donc c'est un projet, on va dire, qui vivote. Mais en parallèle, les Brésiliens gardent leur projet autonome de lanceur, qui s'appelle le VLS. Ah, ils ont toujours... VLS, ça veut dire véhicule lanciador de satellite. Voilà. Et donc la difficulté, c'est finalement pour les Brésiliens, si un jour leur lanceur marche, qu'est-ce qu'ils vont faire de Tsikhon, même s'ils n'ont pas les mêmes capacités? Ou au contraire, si leur lanceur marche, du coup ça justifie l'usage de la base Alcantara et ça peut justifier... Bref, c'est quand même un peu la bouteille. Ah, c'est le sac de nœuds là, c'est compliqué. D'accord, alors il y a des pays dont on n'a pas parlé, hein, la Corée du Sud, Israël, on peut en parler aussi, l'Iran également. Voilà, et on a encore plein de sujets, plein de choses à se dire, mais peut-être que vous-même, vous avez des questions à poser, des interventions, des avis à donner. Donc moi, je viens jusqu'à vous, et puis je vous passe le micro. Qui voudrait s'exprimer ? Qui voudrait commencer ? Monsieur, là-bas ? Derrière moi. Eh, monsieur, voilà. Bonsoir. En fait, je me demandais quelle tête avait le tissu économique, justement, par rapport aux industries spatiales dans tous ces pays. Est-ce que c'est privé, public? En Chine, les industries spatiales sont d'énormes consortias sous tutelle gouvernementale, pour pas dire militaire. C'est clair. Hein. En Chine, oui, l'espace est beaucoup tenu par les militaires. Oui. Hein, en particulier tout ce qui est vol habité, non ? Oui. Le vol habité, c'est complètement militaire. Mais le spatial en général est plus ou moins directement sous la tutelle d'un machin qui s'appelle la commission militaire du parti. Et alors, récemment, par exemple, l'Académie des sciences de Chine, qui est un autre grand acteur du potentiel du spatial chinois, enfin utilisateur, cherche à s'émanciper en quelque sorte de la tutelle de ce complexe militaro-industriel en développant en interne ses propres compétences de fabrication de satellites. Voilà. Donc c'est effectivement une grosse entreprise d'État. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réforme aujourd'hui des entreprises d'État en Chine qui touche aussi le spatial, mais le spatial reste un outil de souveraineté et donc restera sous contrôle gouvernemental. Un outil de souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bah, ça veut dire que la base du raisonnement concernant les lanceurs depuis toujours et partout, c'est nous devons pouvoir lancer le satellite que nous souhaitons lancer avec notre lanceur, que les autres soient d'accord ou pas. Donc c'est ça le principe. Et de la même façon, nous voulons un satellite d'observation, vous parliez d'Israël, bah, il faut qu'on le fabrique nous-mêmes et qu'on le lance nous-mêmes parce que personne d'autre ne voudra le faire pour nous pour des raisons géopolitiques, globales. Donc dans le cas de la Chine, ces entreprises d'État, elles essaient aujourd'hui d'essaimer avec des plus petites filiales qui essaient de vendre des choses sur les marchés. Donc il faut voir, apparemment les Russes achètent un certain nombre de trucs, mais vu les échecs qu'ils ont eu récemment, je ne suis pas sûre qu'ils vont continuer à rester clients. Les échecs, attendez, parce que quand vous parlez des échecs des Russes, c'est des échecs au moment des lancements et ce genre de choses. Des échecs de lancement. Mais est-ce que c'était dû à des composants chinois? En tout cas, c'était dû à des composants qui ont été achetés sur le marché et qui ont été insuffisamment spatialisés. Parce que les Russes, ils ont un problème redondant d'électronique et on a imaginé que ces composants auraient pu être des composants chinois insuffisamment testés et vérifiés. Donc toujours, on pourra finir sur vos entreprises d'État. Donc ces entreprises d'État aujourd'hui passent un petit peu du contrôle à proprement parler militaire à un contrôle gouvernemental plus large. La fameuse Costin, qui était cette société, ne gère plus que la partie militaire en fait du spatial. La partie civile est sous contrôle du grand ministère de l'information. Mais enfin, ce ministère de l'information, il fait aussi la sécurité nationale. Hein, donc on reste quand même dans les mêmes gammes, dans les mêmes tonalités, on va dire. Ça, c'était la Chine. Ça, c'était la Chine. Alors, on a des essais. Alors, l'ISRO, l'Agence spatiale. L'Agence spatiale a une mission depuis le début qui est de développer des brevets et de les refournir gratuitement à l'industrie. Donc, et développer des brevets, ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes leurs propres chercheurs, ils font eux-mêmes de la recherche et de la R&D. Absolument. Et ensuite, ils ont une société qui s'appelle Antrix et qui est une société qui a comme mission de redistribuer et d'aider les industriels à s'approprier ces technologies. Alors après, on va peut-être toucher un sujet sensible. Le problème, c'est est-ce que le spatial, ça rapporte de l'argent ou pas? Donc quand vous êtes en Inde, dans une société libérale où finalement il y a énormément de marchés qui s'ouvrent et de marchés très porteurs, les industriels qui se précipitent pour faire du spatial, sachant que de toute façon, c'est quand même pas des milliers ou des millions de satellites que vous allez faire et que vous allez tirer, ils sont pas très nombreux. Donc l'industrie spatiale indienne, elle a un peu tendance, elle essaie de naître, elle essaie de se développer, elle reste, je dirais, quand même encore assez embryonnaire et bah, c'est plutôt l'ISRO qui continue à garder une partie de la production. Oui, c'est groupes, ça. C'est Tata qui a Tata. Une petite division spatiale. C'est Hindustan Limited. C'est un gigantesque groupe. Hein. Ils ont une division spatiale. Ouais. Et Hindustan Limited qui a des parts dans les moteurs. Ils essaient de coupler ça avec de l'avion ou avec de l'électronique. Mais ça se développera. En Inde, ça se développera. Et en Chine, ben, il faudra qu'ils voient ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent faire effectivement une économie véritable? Enfin, est-ce qu'ils veulent ouvrir leur économie et leur entreprise d'État ou pas? Pour l'instant, à mon avis, ils n'ont pas envie de l'ouvrir dans le spatial. Qui voudrait s'exprimer? Mademoiselle. Bonjour. En fait, je voulais savoir si, qu'est-ce que deviennent tous les satellites qu'on envoie? Est-ce qu'on peut parler de pollution, du coup? Et est-ce que le fait que de plus en plus de pays s'y mettent, c'est pas mauvais? Ou quel impact que ça pourrait avoir? Ah oui, s'il y a de plus en plus de pays, il va y avoir de plus en plus de satellites. Bah, les satellites ont une durée de vie limitée, hein. Forcément, il y en a effectivement de plus en plus. Il y a des satellites arrivés en fin de vie. Bon, il y a eu une prise de conscience quand même ces dernières années de l'occupation croissante de l'espace extraterrestre par des satellites vieillissants ou moribonds. Et donc, de plus en plus, maintenant, il y a des réglementations ou des contraintes, soit pour les envoyer, par exemple, les géostationnaires, les envoyer sur des orbites parking très lointaines. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont arrivés en fin de vie, une fois qu'on s'aperçoit qu'ils vont commencer à ne plus fonctionner parce que ce qu'on appelle le carburant, hein, enfin, ce qu'on n'appelle pas le carburant, justement, mais justement, ce qui sert de carburant à bord d'un satellite va commencer à manquer. On les envoie sur des orbites encore plus lointaines. Encore plus lointaines. Ou alors les satellites en orbite, par exemple en orbite polaire, dans quelques centaines de kilomètres. Donc orbite polaire, c'est-à-dire qu'ils tournent au-dessus des pôles. Hein. Eux, au contraire, c'est de les envoyer vers le bas pour qu'ils brûlent dans l'atmosphère. En fait, il y a une réglementation. Donc on les envoie là sur Terre. Hein. Au lieu d'envoyer sur une orbite parking, une orbite cimetière, on les envoie vers sur Terre pour qu'ils brûlent dans l'atmosphère. On s'impose la contrainte que... il ne reste pas en orbite plus de 25 ans sans être, enfin, un satellite, un objet incontrôlé ne peut pas rester en orbite plus de 25 ans. Donc maintenant, on équipe les satellites, enfin, au moins certains pays équipent leurs satellites de dispositifs de désorbitation en fin de vie. Et ça ressemble à quoi, un dispositif de désorbitation en fin de vie ? Oh bah, ça peut être simplement une poussée, on oriente le satellite et on lui donne une poussée vers le bas. On peut imaginer aussi, c'est ce qu'on mettra par exemple sur le projet Microscope, un système... Microscope, c'est un satellite. Un satellite scientifique. Il y a une espèce de grand bouclier qui freinera le satellite avec la traînée atmosphérique résiduelle de façon à le faire retomber assez vite. Mais le principal danger, c'est pas tellement les satellites, ce sont aujourd'hui les étages de fusées. En orbite, c'est des gros machins. Hein, et donc, par exemple, sur Ariane... Donc, c'est-à-dire que quand on lance un satellite, par exemple, Ariane 5, il y a deux étages, hein, en réalité. Si on exclut les boosters, oui. Il y a deux étages. Donc, le deuxième étage, lui, il se retrouve en orbite. Il se retrouve en orbite. Et c'est quelque chose qui fait des tonnes et des tonnes. Aujourd'hui encore, de temps en temps, il y a des étages supérieurs d'Ariane 4, qui retombent. Donc maintenant, les futurs lanceurs, Ariane 6 par exemple, seront équipés d'un dispositif de déorbitation justement pour qu'ils ne restent pas en orbite et ils redescendent très vite. Et là aussi, il ressemblera à quoi ce système de désorbitation ? Là aussi, c'est un machin qui pousse vers le bas. Hein, Vous lancez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on vous dit il y a un satellite, il revient, il retombe, etc., c'est très bien. Simplement, récemment, on a eu, statistiquement, c'était pas le plus probable, mais il a croisé l'orbite d'un autre satellite qui, lui, fonctionnait bien. Et il a fait plus que croiser l'orbite, il a carrément tapé dans le satellite. Et donc, on a eu le premier accident de circulation spatiale entre un satellite Cosmos, qui était un bon vieux satellite de reconnaissance russe, qui rentrait tranquillement dans l'atmosphère complètement hors contrôle, et un satellite Iridium, qui lui était un satellite de télécom commercial américain, qui était en parfaite santé. Donc, premier problème qui est responsable... premier problème... Personne ne l'a vu. On a surtout récupéré des débris. Donc, le premier problème, ça a été de dire, comment ça se fait que personne n'ait été au courant, n'ait prévenu. Alors, si quelqu'un était au courant, parfaitement au courant, c'était le NORAD, qui est le grand centre américain qui suit les débris spatiaux, les satellites, etc., etc. Le NORAD, hein, qui a des radars et qui peut probablement que les Russes étaient parfaitement au courant aussi, parce qu'ils ont quand même un système de suivi dans l'espace qui est assez performant. Nous, on en a un partiel. Les Chinois commencent à y réfléchir, mais les Américains étaient au courant. Maintenant, ils auraient prévenu Iridium, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisqu'Iridium n'est pas manœuvrant. Donc, de toute façon, qui ne peut pas changer d'orbite. Non, mais ça coûte très cher de faire un satellite qui change d'orbite. Donc, ce n'est pas un choix qu'ils avaient fait. Donc, premier problème, effectivement, qui est responsable, puisque la pratique de laisser repartir un satellite dans l'atmosphère, c'est une pratique courante. Deuxième problème, évidemment, les débris se sont mis dans le plan d'orbite des satellites Iridium, qui sont une constellation. Donc, ça a énormément augmenté le facteur de risque. En plus, certains des débris sont assez gros, donc ils vont retomber assez vite. D'autres sont petits, donc ils vont rester longtemps. Et pour finir, c'est poser véritablement deux questions. La première question, c'est est-ce que nous, Européens, par exemple, on s'intéresse à faire de la surveillance de l'espace, du suivi des satellites? Et est-ce qu'on imagine finalement de pouvoir à l'avenir anticiper et gérer ce genre d'accident? Ça se fait quand même de gérer, anticiper. On est capable quand même à l'avance de dire si deux satellites risquent d'entrer en collision et de faire en sorte qu'un satellite change un peu d'orbite, non ? Aujourd'hui, je parle pour nous Français, on est largement dépendant, pas entièrement, mais largement dépendant du NORAD, comme on a dit. Il surveille un certain nombre de débris, des milieux régulièrement. Donc des Américains. Les Américains, ils nous disent attention, il y a un risque de collision entre un tel débris et un de vos satellites. Et donc on fait une manœuvre d'évitement. Et donc maintenant, les Européens voudraient se doter d'un système autonome. Alors les Français ont des éléments, les Allemands également ont des éléments, des radars. Mais bon, il faudrait avoir un système beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus intégré au niveau européen et plus performant. Puis après, vous avez des industriels qui imaginent qu'ils pourraient faire des instruments pour récolter les débris dans l'espace, nettoyer l'espace. Alors, pas que les industriels, j'ai l'impression qu'il y avait un projet du CNES en ce sens. Il y a une étude. Ça coûte pas cher, une étude. Alors après, en revanche, le camion poubelle spatial, ça risque d'être nettement plus coûteux. Et puis, ce qui a été très amusant, c'est que les premiers qui ont évoqué ça sont les Russes. Hein. Bon, les Russes, ils ont un tel secteur spatial tellement développé et tellement ancien que je pense qu'à peu près sur tous les sujets, ils ont un dossier avec, avec une proposition et quelque chose dedans. Et donc, tiens, Ivan, regarde derrière toi, il me semble qu'en 62, on a dû penser au truc. Donc, oui, on ouvre le dossier. Tout et regarde, je caricature, mais en fait, c'est vrai. Donc, ils avaient proposé un énorme style de camion poubelle avec possibilité d'attirer les satellites et tout ça. Donc, ça fait au moins 20 ans qu'ils ont ressorti ça. Évidemment, première réaction, la réaction des Américains en disant oh, attendez là. Et qui décide que c'est un débris? Et qui décide qu'il ne sert plus à rien. Et là, c'est gentil votre idée, mais bon, et de toute façon, ça serait sur des orbites basses. Et puis, aussi qui paye, hein. Est-ce que je vais dépenser beaucoup d'argent pour nettoyer les débris de quelqu'un d'autre, hein. Alors, on a une question sur Twitter, et puis vous aussi dans la salle, hein, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas. Mais avant, je crois que Michel a quelque chose à nous dire. Dis-moi, fleur d'hirondelle, dis-moi ce qu'il y a dans le ciel. On dirait les yeux de 1000 dragons qui étincellent. Mais non, honorable ami, ce n'est pas du tout ce que tu dis. Ce qui brille dans la nuit, ce sont des grains de riz, éparpillés par Bouddha dans un bol plein de sauce de soja. Vous vous trompez tous les deux, comme le dit le petit livre rouge. Ce qui scintille dans les cieux, ce sont les étoiles accrochées au chapeau et au paletot du président Mao. Merci Michel. Alors sur Twitter, est-ce qu'on a des commentaires? Oui, c'est un tweetos qui nous suit depuis la Hollande et qui demande si à l'horizon de 2020, doit-on prendre sérieusement les ambitions de pays comme la Corée du Sud, la Corée du Nord ou l'Iran? Ah, trois pays dont on n'a pas encore parlé. Corée du Nord, Corée du Sud, Iran, leurs ambitions, quelles sont-elles d'abord? Et est-ce qu'on peut les prendre au sérieux? La Corée du Sud et la Corée du Nord, à un mois d'intervalle, sont devenues des puissances spatiales en faisant la satellisation chacun de leurs premiers satellites. Alors, la Corée du Sud était quand même très meurtrie d'être après la Corée du Nord. Il y a eu une interview assez intéressante où la Corée du Sud est allée demander au porte-parole du département d'État s'il considérait que la Corée du Nord était un pays spatial, membre du club spatial. Je vous donne la réponse. Le département d'État américain. Oui. La grande autorité en la matière. Alors non, en fait, c'est parce que le programme spatial de Corée du Nord semble très proche d'un programme de missiles pour tout le monde. Et donc, la Corée du Nord est soumise à un embargo et à une interdiction par une résolution des Nations Unies de lancer des satellites, ce qui pose des problèmes parce qu'on n'a pas le droit de lancer un missile, mais lancer un satellite, il y a notre traité de 67 qui, lui, théoriquement, donne le libre accès et la libre utilisation de l'espace à tout le monde. Donc, toujours est-il que les Coréens du Sud sont allés voir le département d'État. Parce que quand on a un missile, avec un missile, on peut envoyer un satellite. Hein. Non, pas vraiment. Non. Mais enfin, bon. Il faut l'adapter. Non, mais d'accord, il faut quand même des moteurs. Quand vous avez un missile, c'est pour envoyer une bombe sur la tête de quelqu'un. Voilà. Donc, vous n'avez pas tellement envie d'aller en faire un lanceur de satellite. En revanche, quand vous savez utiliser de la propulsion, quand vous savez faire des étages, et quand vous savez faire un peu de guidage, vous pouvez adapter quelque chose qui aurait pu être un missile et en faire un lanceur. Après, la question qui se pose, c'est pourquoi s'amuser à aller faire un lanceur, qui a quand même une spécificité qui est de mettre un objet en orbite, avec un étage particulier et un système d'injection particulier, si tout ce dont vous rêvez, c'est d'aller faire une bombe qui tombe ailleurs. Donc c'est compliqué. Ça existe, c'est vrai que c'est proche, mais c'est compliqué. Donc c'est la Corée du Sud a demandé au département d'État, et j'ai beaucoup aimé la réponse du porte-parole, qui était un vrai diplomate, et qui a répondu, dans la mesure où il n'y a pas de définition précise de ce qu'est le club spatial, je ne peux pas dire si la Corée du Nord en fait partie ou pas. Donc effectivement, c'était un appel botté en touche. C'était une manière de ne pas humilier les Coréens du Sud, c'est ça? Non, c'était une manière de dire que effectivement la Corée du Nord ne fait pas à proprement parler membre du club spatial. Alors la Corée du Sud, elle a des ambitions. Elle aussi, elle travaille, c'est assez intéressant, sur leur lanceur avec les Russes. Donc on retrouve les Russes, on aurait pu s'attendre à des partenaires occidentaux, mais là encore il y a un problème de transfert de technologie, il y a un souci du côté des Américains d'éviter que la Corée du Sud elle-même puisse un jour avoir des technologies qui pourraient un jour se transformer en missiles et qui pourraient un jour remettre en cause la stabilité régionale. Donc ils sont un peu sur liste rouge également ? Non, ils ne sont pas exactement... Non. De toute façon, tout le monde est sur liste rouge. Après tout, les Américains n'ont quand même pas investi autant d'argent dans l'espace depuis autant d'années pour faire gentiment cadeau de leur technologie à tout le monde. Donc il y a quand même ça à la base. Après, il y a plein d'autres bonnes raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Et la Corée du Sud a un programme spatial effectif avec des satellites. Elle a commencé par les satellites. Elle a d'ailleurs commandé des satellites à l'Europe, qui sont des satellites très performants dans le domaine de l'océanographie. Et donc, il y a une cohérence, il y a une communauté scientifique spatiale sud-coréenne, et il y a une certaine cohérence pour la Corée du Sud à faire du spatial, sauf que tous les arguments que j'évoquais en début, le pays de la taille d'un continent qui a besoin d'un satellite pour desservir sa population et faire l'observation de la Terre, à la taille de la Corée du Sud, je le sens un peu faible. Oui, et puis ils ont une bonne infrastructure, là. Pas si bonne que d'accord, ça, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas ça la justification. Ouais. Les technologies quand même missiles et lanceurs sont quand même très très proches. Prenez les lanceurs entre guillemets Rokot et Dniepr qui sont dans donc Dniepr c'est russe. C'est russe et ukrainien. L'un est russe et l'autre est ukrainien. À l'origine, ce sont des missiles intercontinentaux et où on a ajouté un dernier étage propulsif pour assurer la mise en orbite. Hein. Donc bon. Il y a aussi les Russes commercialisaient aussi des lancements de microsat à partir de missiles adaptés lancés par un sous-marin. Ah oui, c'est ça. Mais c'était Dniepr, non ? Dniepr n'est pas. C'était pas des Dniepr, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc, oui. La différence, en fait, c'est que les Russes et donc les Ukrainiens avaient déjà développé les missiles et que dans le cadre des accords de désarmement, ils devaient détruire ces missiles. Donc, ils les ont transformés pour en faire des lanceurs et que ça leur coûte moins cher et que ça leur apporte un peu d'argent. Donc, c'était un cas de figure particulier, mais c'est évident qu'ils montrent bien une certaine proximité. En revanche, quand l'Inde veut faire ce fameux lanceur dont parlait Richard Bonneville, qui est le lanceur géostationnaire pour mettre sur des satellites géostationnaires, le GSLV, en 1993, la Russie a proposé de lui vendre un moteur cryogénique. Les États-Unis ont prétendu que c'était il contrevenait, on va dire, au fameux accord MTCR, qui est un accord qui limite la diffusion de la technologie missile. Or, un moteur cryogénique, on n'a jamais vu mettre ça sur un missile. C'est totalement absurde sur le plan technique. Donc l'idée, là, c'était pour les États-Unis de barrer la Russie et de rappeler qu'ils étaient les maîtres des règles du jeu. Résultat, la Russie a fini par vendre le moteur, n'a pas vendu les technologies, en a probablement passé sous le manteau, mais c'était en 93, on est en 2013 et ils n'arrivent toujours pas à faire fonctionner, donc ça a vraiment gêné. Alors, il y a aussi un pays... quelles sont leurs ambitions, d'abord, à Corée du Nord, Corée du Sud, est-ce que... Ces deux pays en affichent des ambitions particulières. Bon, c'est du lancement de satellites. Corée du Sud a une agence spatiale, hein, le CARI, ça s'appelle, c'est-à-dire Korean, je ne sais pas quoi. Aérospatial. Ils ont des satellites, on a même placé des charges utiles françaises sur des satellites coréens. Ils n'avaient pas jusqu'à une date récente de moyens de lancement, hein, mais maintenant c'est. Bon. La Corée du Nord... La Corée du Sud, ah oui, il y a un lanceur maintenant, effectivement. Bon, la Corée du Nord, En fait, apparemment, elle a besoin de diffuser l'hymne national à la gloire du leader national le jour de l'anniversaire. Alors ça, c'est une histoire assez intéressante parce que apparemment... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Non, bah, justement, le fameux satellite nord-coréen qui aurait été satellisé aurait emporté l'ère nationale coréen à la gloire de Kim Jong-il pour le diffuser depuis l'espace sur les radios coréennes. Alors bon, il y a toujours toutes les histoires, bon, on n'est pas allé sur la Lune, etc. Mais là, dans ce cas-là, vous savez, tous les gens qui continuent aujourd'hui à dire sur Internet, c'est pas vrai, les Américains ne sont jamais sur la Lune. Bon, ces fameuses philosophies du soupçon un peu exagérées. Mais là, dans le cas de la Corée du Nord, c'est assez intéressant parce que la radio-télévision d'État coréenne a prétendu diffuser l'hymne en question, mais aucun radio amateur au monde n'a entendu le satellite diffuser. Mais bon, ça, c'est... Enfin, le satellite était en orbite. Le satellite était en orbite, mais il n'a pas diffusé l'hymne en question. Je vais rappeler que le premier satellite chinois diffusait la musique de L'Orient est rouge. L'Orient est rouge. Oui. D'accord. Mais le premier satellite russe faisait bip bip. Oui, bip bip tellement. Bon. Chacun fait ce qu'il peut. Des questions ici. Bonsoir. Je voulais juste vous poser une question parce que j'ai vu que récemment la Chine avait repris un petit peu des missions sur la Lune, ce qui a été abandonné par les autres pays. Donc je voulais juste savoir si on pouvait attendre de cette mission des retours nouveaux ou si c'est juste une volonté d'égaler les États-Unis. Non, c'est différent. Bon, Chine et la Lune. La Chine a un programme de mission lunaire robotique, hein, assez bien balisé. Il y a deux orbiteurs, Chang'e 1, Chang'e 2. Ensuite, ça doit être... Alors, ils ont déjà été lancés tous les deux. Oui, c'est ça. Donc, ensuite, des orbiteurs, c'est bien des satellites hein, qui se placent en orbite autour de la Lune. Ensuite, il doit y avoir deux missions successives au sol de la Lune, avec qui vont déposer, hein, qui vont atterrir et déployer des petits véhicules mobiles, des petits rovers. Et ensuite, il y aura encore deux autres missions, ça va par paire. C'est une sorte de redondance, avec des missions de retour d'échantillons. C'est comme ça qu'elle présente les choses. Alors, retour d'échantillons, il faut rappeler le principe. On se pose, on creuse, on collecte les échantillons et hop, on les ramène sur Terre. Ça a déjà été fait par la Russie. Hein, ça a été fait, effectivement, par la Russie dans les années 60-70. On ne sait pas aujourd'hui si les Chinois ont vraiment l'intention, ils sont assez flous là-dessus, d'envoyer des hommes sur la Lune. C'est pas clair. Enfin, pour moi, c'est pas clair. Quand on leur pose la question, ils disent bon, on n'a pas pris de décision, on verra, on avance. Bon. Alors, je pense que l'objectif, c'est pas tellement un objectif scientifique. Enfin, il y a aussi de la science, mais c'est surtout, je crois, un objectif technologique. Montrer qu'on sait, à distance, manœuvrer un vaisseau dans l'espace lointain, le mettre en orbite, le faire se poser, de faire une rentrée contrôlée, le faire revenir. Je crois que c'est surtout ça l'intérêt de la chose. Alors, les Indiens ont un programme qui ressemble un peu. Enfin, ils ont eu des orbiteurs lunaires. Ils ont un projet de mission au sol de la Lune. Les Européens, jusqu'à présent, n'ont pas de mission. Enfin, ils ont eu un orbiteur lunaire, un petit orbiteur lunaire qui s'appelle Smart 1, qui était essentiellement technologique. Technologique, c'est-à-dire qu'on l'envoyait non pas pour faire de la science, mais pour éprouver des technologies dans l'espace. Choses. Et les Russes ont un programme d'exploration lunaire robotique préparant, disent-ils, une exploration habitée de la Lune, programme sur lequel ils voudraient bien attirer les Européens. Voilà. Ah, c'est quoi ce petit geste, dire bof, c'est pas sûr qu'on y aille. Oui, c'est pas sûr qu'on y aille, effectivement. Ça, c'est pas sûr qu'on y aille, oui, je crois qu'on peut dire ça. Et Isabelle Soumès, en Chine, il y a le livre rouge, on le connaît bien, mais il y a aussi le livre blanc. Oui, le livre blanc, c'est ce qui décrit... Pas la même notoriété. Non, c'est ça, absolument. Le livre blanc, c'est ce qui décrit les projets spatiaux. Donc, qu'est-ce qu'on dit de la Lune et des projets lunaires dans ce livre blanc chinois ? On dit ce que vous en dit Richard Bonnevie, c'est-à-dire qu'il y aura une exploration automatique de la Lune. Et ils disent qu'il y a une étude de faisabilité, et je reprendrai exactement votre terme, ça coûte pas cher, qui est faite pour savoir si un jour on envoie des hommes dans l'espace. Mais là encore, je crois qu'on touche vraiment quelque chose qui est à la fois de la symbolique et surtout du traitement médiatique. S'il y a bien quelqu'un qui dit que les Chinois veulent envoyer des hommes dans l'espace, ce sont bien les Américains. Ça, c'est ce qu'ils répètent. Ah non, les Chinois n'ont jamais dit, ils n'ont absolument jamais déclaré qu'ils enverraient un homme sur la Lune. En revanche, la presse américaine, elle adore faire des gros titres avec ça. Et ce n'est pas tout à fait innocent, parce qu'à un moment où il y a, on va dire, peut-être un déficit de motivation politique de la part du gouvernement américain sur de grands projets spatiaux symboliques de prestige habités, c'est évident que réactiver un bon vieux ressort de la guerre froide en disant de quoi on va avoir l'air quand nous on sera au sol alors qu'il y aura un Chinois qui nous fera coucou depuis la Lune, vous vous rendez compte, c'est dramatique, etc. etc. Et derrière, on fait quand même une loi d'appropriation, enfin une loi sur un budget qui pourrait inclure la Lune. Sauf que Obama a dit stop, et Obama a dit stop en disant, alors Bush avait dit oui, c'est une bonne idée, on pourrait s'entraîner sur la Lune pour aller sur Mars, les Européens pensent que ça n'a pas grand-chose à voir et que c'est de l'argent un peu gaspillé d'aller faire des trucs sur la Lune vu que ça ne ressemblera pas à ça sur Mars. Mais un jour, Obama a fini par dire, bon, on s'arrête. Alors j'imagine que dans l'idée de Bush, quand il disait oui, il faut aller sur la Lune, il devait se revoir en nouveau Kennedy, hein, quand même, je pense que ça devait jouer un peu. Là aussi, donc il n'était pas au mieux de sa forme à cette époque. L'argument psychologique du d'accord. Voilà. Et donc, Obama a dit, oui, la Lune, c'était absolument super, j'en garde un souvenir émerveillé, j'étais sur les épaules de mon grand-père quand il y a eu des cosmonautes, des astronautes, et il m'a dit, regarde, il y a 3 Américains là-haut, un sur la Lune et 2 autour, et j'ai été fasciné. Dit bon, maintenant, ça, c'était il y a 50 ans. Donc, maintenant, il faudrait peut-être penser à faire autre chose. Et puis, peut-être des choses qui seraient plus novatrices. Et puis, ça y est, on l'a fait. On a démontré au monde entier. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Chinois, la communauté spatiale chinoise, peu de temps après, à Pékin, disait à l'occasion d'un colloque où j'étais, non, mais ça, Obama, il a fait ça juste pour nous empêcher de faire un programme spatial habité. Parce que quand il dit partout que c'est un truc qui est complètement dépassé, comment vous voulez que nous, on convainque nos politiques d'aller dépenser quand même quelques milliards pour faire un truc dont les Américains disent qu'il est dépassé. Mais ce qui n'empêche pas les Américains de continuer à avoir des gros titres, la course à l'espace continue. Quand est-ce que la Chine va damer le pion aux États-Unis? Donc il y a des jeux de miroir là. Chacun entend les choses à sa manière, les décrit à sa façon. Les Américains aiment bien jouer à se faire peur. Enfin, je veux dire, ils ont besoin d'avoir un ennemi en face par rapport auquel se situer. Hein. Bon, aujourd'hui, et auquel se mesurer. Exactement. Même. Mais effectivement, comme le dit Isabelle, la Lune, bon. Un officiel NASA a dit bon, si les Chinois vont sur la Lune, ils y trouveront un drapeau américain. c'est pas mal ça, pas mal joué. Oui, parce que je me disais, certaines personnes disent oui, mais si les Chinois décident effectivement d'envoyer des hommes sur la Lune, est-ce que les Américains les laisseront y aller seuls? Oui, oui, c'est ça. Ouais, vous savez, les Russes ont quand même vécu pendant 15 ans dans l'espace, dans la station, dernière station Salyut 7 et dans la station Mir. La navette spatiale américaine, elle ne volait pas. Et ça n'a absolument ému personne. Hein. Il suffit de faire de la bonne com. Personne ne parle de l'Union soviétique et tout le monde parle de la future navette. Et voilà, et c'est réglé. Alors, monsieur qui a demandé la parole depuis tout à l'heure. Bonsoir. Je ne sais plus très bien quel pays voulait faire des décollages depuis des plateformes marines. Alors, je ne sais pas si c'était une idée qui a été envisagée sérieusement ou pas. Oui, c'est un projet qui est opérationnel. Hein. C'est le projet de la plateforme Sea Launch. Hein. C'est une plateforme, effectivement, comme une plateforme pétrolière. Enfin, c'est une plateforme flottante au large de l'équateur, d'ailleurs, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure, qui est une société mixte russo-ukrainienne, parce que le lanceur, c'est le lanceur Zénith, donc il est ukrainien, toujours avec les moteurs russes, et les Américains et les Norvégiens pour la plateforme. Et il y a eu quelques lancements, il y a eu un échec il n'y a pas très longtemps, je crois. Non, mais il y a même eu une faillite entre les deux. Ah oui. Et les Américains qui étaient Boeing se sont retirés, et les Russes ont racheté la plateforme, donc maintenant les Russes sont propriétaires de la plateforme. Il y a effectivement eu un échec récemment, c'est la grande société Energia, qui est aussi une entreprise, une énorme entreprise russe, qui a proposé à l'agence spatiale russe de racheter Sea Launch. L'agence spatiale a décliné, mais alors les Russes sont assez inquiets, disent-ils, parce qu'ils se demandent jusqu'à quel point ils continueront à garder l'autorisation des Américains de tirer depuis les eaux territoriales américaines. Donc ça, c'est compliqué, parce que cette plateforme était au large des États-Unis, au large de la Floride. Donc aujourd'hui, oui, ça existe, ça continue à exister, mais je pense que c'est là encore plutôt de la reconfiguration de moyens existants. Bon, encore que les Japonais qui ont des problèmes avec leur base de lancement disaient qu'ils pouvaient être intéressés un jour par des plateformes mobiles. Ils ont de la difficulté à lancer, hein, les Japonais. Ils ont pas un très grand pays et leur base de lancement, elle est au sud. Les pêcheurs sont nombreux, ils rapportent économiquement. Il y a des fenêtres de tir. Les fenêtres de tir, elles sont quand les pêcheurs peuvent pas pêcher. Donc ça veut dire quand la météo est mauvaise. Les lanceurs, ils aiment pas beaucoup être tirés par mauvaise météo. Donc c'est vrai que c'est pas simple, oui. Oui, parce qu'on peut pas tirer, on peut pas envoyer un lanceur quand les bateaux pêchent. Hein, donc il faut... C'est pas tellement d'envoyer l'ancien, c'est qu'on peut pas balancer sur la tête des énormes bateaux, parce que c'est pas le pêcheur à la ligne, hein, c'est quand même les énormes bateaux de pêche japonais, et c'est pas bon de recevoir un premier étage de Exactement. Monsieur. Bonsoir. Une remarque et une question. Remarque, j'espère, amènera quelques commentaires de votre part. Vous parliez tout à l'heure du fait que les Américains bloquaient absolument toutes les exportations de matériel et composants spatiaux vers la Chine, et vous disiez que vous considériez que c'était peut-être même un peu contre-productif, parce que du coup ça incitait les Chinois à encore plus développer rapidement et de manière approfondie leur technologie spatiale. Je partage pas tout à fait l'analyse, parce qu'on a vu que par le passé, aussi bien sur des matériels civils que militaires, à chaque fois qu'on vendait quelque chose à la Chine, quel que soit le pays d'ailleurs, les Chinois les achetaient en petite quantité et les copiaient. Quelques années après, on avait exactement le même produit à version chinoise. Exemple, missile Crotale, hélicoptère Dauphin, on en a vendu un paquet comme ça, les Sukhoi 27 russes, voilà, on a plein d'exemples. Que même les Russes ont changé de stratégie en se disant « Ok, on veut bien vous vendre des missiles anti-navires dernièrement, mais puisqu'on sait que vous allez les copier, pour que ça vaille le coup, bah, achetez-nous les plateformes de lancement qui vont avec, au moins, destroyers sous-marins, au moins on fera un peu de chiffre d'affaires avec. » Donc ça, c'était la remarque. Et concernant la question, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez finalement assez peu impressionné par l'avancement actuel du programme de conquête spatiale chinois, avec des arguments pertinents que vous avez avancés. Je voudrais savoir, justement, à partir de quand, quelles étapes vous pourriez commencer à vous considérer impressionné. Il y en a pour tous les deux, là. Allez-y. Non, non, on n'a pas dit qu'on n'était pas impressionné. Hein. On est impressionné par la vitesse avec laquelle les Chinois veulent rattraper le retard qu'ils ont. Hein. C'est vrai qu'ils progressivement ils grignotent du terrain. Je pense que l'espace c'est un domaine de coopération internationale. C'est potentiellement un domaine de coopération internationale intense. Par exemple, regardez dans les années en 75 la mission Apollo Soyuz, hein, en pleine guerre froide, les Américains et les Russes qui se sont amarrés ensemble. On peut très bien imaginer que dans, disons, peut-être une dizaine d'années, il y ait une mission commune, probablement d'exploration de l'espace lointain habité, dans lesquelles il y aura à la fois des Américains et des Russes qui se serreront la main. À ce moment-là, je crois que ce sera la reconnaissance que, bon, ça y est. Pas des Américains et des Russes. Des Américains et des Chinois. Non, mais là, moi, j'ai plaisanté tout à l'heure en disant si c'était les Européens qui le faisaient, personne ne viendrait à l'idée de dire qu'on est impressionné. Et c'est vrai. Après, tout pays qui est capable de développer une conquête spatiale et de faire vivre des hommes dans l'espace, par définition, c'est impressionnant. Moi, après, là où je suis un petit peu perplexe, c'est pourquoi voulez-vous que le spatial soit plus impressionnant qu'autre chose ? On est impressionné par la Chine, mais en ce moment, on est impressionné absolument par tous les aspects de la Chine. Ça, c'est un truc sur lequel je pense qu'on aurait besoin de réfléchir un peu. On est très impressionné par le PIB chinois. Très bien. Alors, on va calculer le PIB chinois par habitant et on va être beaucoup moins impressionné. On est très impressionné parce que la Chine fabrique des composants en les copiant. D'accord, on va regarder les brevets, on va être moins impressionné. Donc, si vous voulez, parce c'est ça. Parce qu'il y en a peu. Il y en a beaucoup moins, ouais. Proportionnellement. Donc, il faut pas. C'est toujours le problème de où vous mettez le balancier. Quand je dis ça, j'ai tort parce que je pousse le balancier trop loin dans l'autre sens. Mais inversement, cette espèce de discours redondant et systématique qui ne veut pas voir les faiblesses de la Chine alors que la Chine est la première à les voir, à les dire, à les dénoncer. La stabilité aujourd'hui de la Chine, le gouvernement chinois est extrêmement inquiet parce que la crise économique sur le littoral, elle est profonde. Alors, il n'y a pas de chômage en Chine sur le littoral, c'est normal. Tous les gens qui arrivaient des campagnes sur le littoral, ils n'avaient pas l'autorisation d'être là. Donc, ils sont obligés de repartir. Ils n'avaient pas de passeport, parce qu'il y a des passeports intérieurs. Donc, ils sont obligés de repartir dans les campagnes. Donc, on ne les voit pas. Sauf que dans les campagnes, on voit arriver des gens qui n'ont plus de moyens de se nourrir, qui ont vu la vie plus facile du littoral et qui sont donc des ferments de désordre et de dissension. Donc, les Chinois vont probablement s'en sortir et les Chinois font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Mais ce n'est pas encore une hyperpuissance spatiale. Ceci dit, ils ont un programme tout à fait respectable et aux normes du spatial, ils sont une grande puissance. Après, je vais juste finir. Bon, mais je dis juste autre chose. Ouais. Pourquoi on n'est jamais impressionné par le Japon ? Le Japon a été le premier à récupérer des échantillons d'astéroïdes. Personne d'autre ne l'a jamais fait au monde. Je pense que vous avez l'air d'être plus ou moins quand même des spécialistes, ou en tout cas des gens qui vous intéressaient au spatial. Je ne suis pas sûre que ça soit quelque chose que vous ayez vu passer particulièrement, alors même que ça vous intéresse. Donc là, je crois qu'il y a... Pourquoi ? Parce que le Japon impressionne plus. Alors en revanche, il y a un échec. Alors là, on est reparti sur Fukushima et le reste. Et c'est un problème. Alors, j'ai deux questions d'abord, et puis il y a plusieurs personnes qui demandent la parole. Monsieur. Une question complètement séparée. On a énuméré un certain nombre de pays, mais on n'a pas du tout, me semble-t-il, envisagé ce que j'appellerais le monde musulman, qui est évidemment assez émietté, mais à partir du moment où l'Inde est toujours en rivalité avec le Pakistan, je me demandais si le Pakistan avait quelques velléités, ambitions ou plus dans ce domaine-là. Ou un autre pays, mais je pense que c'est le Pakistan qui serait le mieux placé. Et la deuxième question, c'est à propos de ce qu'on disait tout à l'heure sur les fameux plans hypothétiques des Chinois pour aller sur la Lune, et que les Américains, de toute façon, on s'en fout, on l'a déjà fait, donc laissons-les faire. Est-ce que ça ne serait pas plutôt des projets chinois vers Mars qui pourraient faire sursauter les Américains en disant « ce truc-là, on ne peut pas leur laisser ». Bon, pour l'instant, les Chinois sont... Ça a beau être la planète rouge, sont assez prudents quand il s'agit de Mars. Hein. Ils avaient un petit satellite qui était embarqué sur la mission russe Phobos Grunt. Bon, ça s'est mal terminé. Phobos Grunt, c'est une mission qui a raté. Hein. C'est un satellite scientifique qui devait partir. Il devait partir chercher un échantillon de Phobos, le satellite naturel de Mars. Hein, et bon, Mars. Il est jamais, non seulement il n'est jamais arrivé, mais on peut dire qu'il n'est jamais parti. Il est à peine parti, oui. Alors, aujourd'hui, les Chinois disent qu'ils veulent effectivement lancer un programme scientifique d'études de Mars, mais. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de choses concrètes. Hein. Bon, ça reste un peu au niveau des études, là aussi. Hein. En particulier, l'Académie des sciences de Chine un programme avec... Aujourd'hui, ils ont 5 missions scientifiques qui sont identifiées. Bon, Mars n'est pas dans le temps. Et ils ont leur programme lunaire qui les occupe bien pendant quelques années. Donc... dire que les Chinois pourraient dire « Allez, on veut être les premiers sur Mars avant les Américains ». Oui. Donc envoyer des hommes sur Mars. Mais là, le prix est tellement élevé. Ce n'est pas qu'une question de prix. Ils n'ont même pas la technologie. On ne sait même pas si les Américains, un jour, enverront des hommes sur Mars. Hein. Un jour, vous posez la question, un jour. C'est loin, c'est compliqué, c'est des énormes vaisseaux à assembler en orbite, c'est des gens à faire vivre 6 mois aller, 6 mois là-bas, 6 mois retour dans le meilleur des cas, et pour y faire quoi ? Donc c'est quand même assez problématique. On n'a pas fait grand-chose sur la Lune. On a quand même ramené des échantillons. Et puis, on pourrait ramener des échantillons de Mars. Mais on peut le faire en automatique. Les Russes ont ramené des échantillons en automatique de la Lune. Aussi. Vous savez, il y a une mission, on l'avait dit à ce café des sciences sur l'exploration, une mission robotique de retour d'échantillons de Mars, c'est, allez à la louche, disons, allez, 5 milliards de dollars, d'euros. Bon. Aujourd'hui, en admettant qu'on ait résolu tout... Enfin, bon, aujourd'hui, on ne sait pas faire, mais on peut imaginer, au doigt mouillé dans la tempête, qu'envoyer un homme sur Mars, c'est 2 ordres de grandeur au-dessus. Donc, Donc des centaines de milliards. Oui, donc, c'est plus de 100 milliards. Aujourd'hui, c'est au-delà de l'horizon. Mais alors, pour répondre sur le Pakistan, là, c'est un cas intéressant parce que finalement, ça pose justement la question d'un pays qui a un programme nucléaire, un programme missile et qui n'a pas de programme lanceur. Et donc là, on est dans le cas de figure assez bizarre, puisqu'à peu près tous les autres pays ont fait les trois. Même le Japon, si vous voulez, il a un problème de cas. Alors la Corée du Sud, c'est compliqué, mais la Corée, elle fait avec d'autres, et pour des raisons particulières, et ça reste limité. Donc le Pakistan, c'est vrai, n'a pas de programme spatial. Ça aurait, à mon avis, tendance à prouver qu'aujourd'hui, le spatial n'est plus un des seuls éléments, quand vous êtes dans une confrontation de puissance régionale, c'est pas forcément déterminant. Et donc, vis-à-vis de l'Inde, ben, le Pakistan, ça ne le gêne pas tant que ça de ne pas faire du spatial. Ceci étant, un jour, comme il a une capacité missile, il est bien possible qu'il aura l'idée de se faire un petit lanceur en utilisant les compétences qu'il a déjà et en les adaptant. Mais pour l'instant, on n'a pas de programme pakistanais. Bon, je vais essayer de poser une question intelligente sur les coopérations, parce qu'on a déjà pas mal abordé le sujet. Donc, je vais reformuler la question que je voulais poser initialement. Aujourd'hui, on voit la Chine prendre une attitude un peu nouvelle, à mon sens. Et donc, il y a eu, pas plus de quelques jours, une grande conférence spatiale à Shanghai, où tous les grands pays spatiaux et les pays émergents étaient représentés, à l'exception notable des Américains. Et la Chine, de la manière dont le rapporte la presse, qui est plutôt la presse américaine, hein, je le signale, puisque Isabelle a fait la réflexion. La Chine semble avoir fait un grand appel à la coopération internationale, à bâtir un grand programme de coopération internationale. Ça arrive à un moment où la Chine a démontré beaucoup de capacités de technologie en orbite, hein, en vol habité, assemblage de stations, etc. Donc, ils peuvent se montrer prêts à conduire une grande coopération. Ça arrive aussi, de manière peut-être pas tout à fait innocente, à un moment où les Américains sont incapables de proposer une grande coopération aux autres pays et, je dirais même, incapables de définir ce que eux-mêmes souhaiteraient faire en termes de missions d'exploration. D'exploration, en général. On a beaucoup parlé, dans les discussions qui viennent d'avoir lieu, de destination pour l'exploration. Je suis pas sûr que ce soit le seul élément important. Proposer une nouvelle destination pour une mission d'exploration, c'est un moyen de s'imposer comme une grande puissance. Démontrer sa capacité à entraîner tous les autres pays dans une grande coopération, c'est aussi une autre manière de démontrer sa puissance. Et est-ce que la Chine n'est pas justement en train de prendre ce virage-là et de jouer la carte du vide laissé par les Américains pour essayer d'entraîner les autres puissances spatiales, les fédérer autour d'un projet qu'ils n'imposent pas, mais qu'ils vont proposer de construire avec les autres pays. Et c'est quoi ce projet ? Ah ben, il reste à concevoir. Hein, parce que tout le monde est dans la même situation. Les Indiens, les Russes, toutes les puissances spatiales sont un peu dans l'attente d'un grand événement qui vont leur permettre d'arriver sur le devant de la scène. Et là, on a l'impression que, peut-être de manière opportuniste, la Chine est en train de jouer cette carte-là. Alors, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est juste un jeu de communication pour mettre les Américains dans l'embarras? Donc c'est là-dessus que je voudrais avoir votre éclairage. Moi, j'aurais déjà tendance à dire qu'un grand projet en coopération, c'est effectivement peut-être le seul moyen qu'il y ait un nouveau grand projet. Là-dessus, on va être tous d'accord, parce qu'au niveau national, on ne voit plus personne qui soit prêt à aller s'embarquer tout seul dans une aventure spatiale. Il n'y a plus l'idée d'aller démontrer une supériorité directe en le faisant tout seul. Donc ça, c'est effectivement, la Chine raccroche ça à une politique qu'elle a depuis très longtemps en relations internationales, qui s'appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire on en a assez d'un leadership américain beaucoup trop fort, beaucoup trop lourd, qui contraint sur les choix de culture technique, qui contraint sur les coûts, sur les objectifs, sur les missions, etc. Donc on va faire du multilatéralisme. Et finalement, nous, on va être un pays extrêmement ouvert et extrêmement tolérant. Et on appelle simplement, on reste ouvert. Alors après, moi, la difficulté que j'ai... Alors les Russes font exactement la même chose, hein, parce que je ne sais pas si tu as regardé, mais en fait, les Russes sont en train de dire leur programme lunaire, nous, on a déjà fait, on a déjà envoyé des rovers, on sait faire. Alors bon, il faut peut-être refaire un lanceur. C'était il y a 40 ans quand même. Ben oui, mais enfin bon, après tout, donc, et vous pourriez peut-être venir avec nous, etc. Et là, c'est là où, à mon avis, le bât blesse. C'est-à-dire que quand Théo dit ça, bon, ben, les Européens disent « Oh, ouais, c'est une bonne idée, on va y penser ». Les Chinois disent bah, « On est désolé, on a déjà notre programme ». Les Japonais disent bah, « Nous, ça fait déjà depuis 1975 qu'on fait des trucs tout seul, donc je pense qu'on va continuer un peu ». Bon, les Américains n'en parlent pas beaucoup, etc. Et les Chinois vont se heurter, à mon avis, à la même difficulté. C'est-à-dire, qui va vouloir aller partir dans un programme en coopération un peu sous initiative? Pas plus que ça, hein, pas de leadership, mais sous initiative. C'est pas les Indiens. Ça va pas être les Russes. C'est pas les Indiens parce qu'ils sont quand même un petit peu en concurrence. Parce que les Indiens, s'ils font quelque chose, ils le feront tout seuls ou avec d'autres partenaires avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et parce que même si les relations entre l'Inde et la Chine s'améliorent, c'est quand même pas encore des amis. Il y a encore des vieux problèmes de différentes frontières, de Tibet. Enfin, il y a encore plein de trucs qui traînent dans le coin. Donc, bon, c'est pas fait. C'est pas les Japonais. Donc, il va rester qui aux Chinois? C'est ça la grosse difficulté. Et le programme de. Alors, les Européens, ils s'y partent pas avec les Russes. Je les vois pas bien partir avec les Chinois. En tout cas, je pense que ça nous fâcherait avec les Américains un petit peu. Enfin. Aujourd'hui, c'est clair, ça vous fâcherait avec les Américains. À cause de l'ITAR. Oh, bah, à cause de tout. Pas seulement. Enfin, l'ITAR, c'est de la. Comment dire? C'est de la cuisine, ça. Mais ça poserait des problèmes politiques. Aujourd'hui, bon, la coopération internationale, bon, c'est un, tout le monde en a plein la bouche, hein, les Américains les premiers, coopération internationale. Maintenant, d'ailleurs, pour eux, l'espace et l'exploration, c'est un seul objectif, c'est dit explicitement dans le rapport Augustine il y a quelques années, c'est le rôle de l'exploration, c'est faire de la coopération internationale sous leadership américain. Hein, c'est clair. C'est clair. Bon. Maintenant, coopération, bah pour faire quoi? Alors, pour eux, ça veut dire que les autres doivent s'aligner sur leurs propres objectifs. Sur les objectifs des Américains. Les Américains. Et aujourd'hui, par exemple, bon, ils ont sorti récemment ce projet que personnellement je considère complètement fou d'aller pêcher un astéroïde avec un filet à papillons. Et de le mettre en orbite autour de la Lune, pour pouvoir aller ensuite l'étudier. Alors, avec une offre de coopération, et quand on creuse, quand on cherche à voir avec eux, mais où est-ce qu'on pourrait intervenir pour coopérer, finalement, il n'y a rien, parce que tous les trucs intéressants, ah ben c'est pour eux. Leadership américain. Oui. C'est leadership américain. Bon, Isabelle Sourbazer. Finalement, ils volent des supplétifs, hein, pour ne pas employer d'autres mots. Bon, alors. Les Russes, effectivement, les Russes font des appels du pied très poussés aux Européens pour leur programme lunaire. Je ne sais pas si on a intérêt à y aller. Je pense que non, personnellement. Bon, les Chinois, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire aujourd'hui. Manifestement, ils veulent coopérer, mais ils veulent coopérer, c'est un peu comme sur, mon impression, sur d'autres domaines, le nucléaire ou autre chose. Ils veulent aujourd'hui récupérer de la technologie, hein, je pense. Mais il n'y a pas d'objectif clairement défini. Isabelle a très mauvais esprit. Richard enfonce des portes ouvertes. Ce soir, la science est ironie et les twittos sont en alerte. Le Brésil n'a jamais tiré. Les Iraniens sont arriérés, le temps indien est dilaté, la Terre continue de tourner. Qui gagnera le troisième round dans la bataille de l'espace? Comme disait Mao Tse-tung, ça ne coopère pas des masses. Ça coopère pas des masses. C'est Mao Tse-tung qui a dit ça. Ça coopère pas des masses. Celle-là aussi. À chaque fois qu'on a mardi de l'espace, il y en a une comme ça qui me reste. Ça coopère pas des masses, ça dit Mao Tse-tung. Monsieur. Bonsoir. Il y a un pays dont vous n'avez pas parlé, c'est Israël. Et j'aimerais bien que vous parliez un peu du programme militaire chinois, s'il vous plaît, par rapport au programme américain et son budget. Bon, je connais mal le programme israélien. Je sais qu'ils ont développé des lanceurs. des petits lanceurs sur lesquels ils ont eu beaucoup d'échecs d'ailleurs, et je crois qu'ils ont laissé tomber d'ailleurs la poursuite de ce programme de lanceurs. Aujourd'hui, par exemple, on a un projet commun avec eux d'observation de la Terre sur lequel on cherche désespérément un lanceur sur le marché. Ça ne peut pas être Ariane ? Ça peut être un passager Soyouz, Vega. C'est un peu cher, oui, parce que c'est un petit satellite. Oui, c'est un petit satellite. Il s'appelle Vénus. Enfin, Vénus, c'est pas un U, c'est un MU, en fait. Enfin, peu importe. Donc, c'est un satellite d'observation de la Terre, en particulier lié à l'hydrographie, qui est important dans cette région du monde, mais j'en sais pas beaucoup plus. Non, ben, là aussi, les programmes israéliens, c'est des dérivés de technologies sur les lanceurs qui étaient liés à leur participation aux questions antibalistiques américaines. Après, c'était un vrai programme de souveraineté, c'était être capable de lancer éventuellement un petit satellite depuis la base. Alors, on parlait des difficultés géographiques du Japon, les difficultés géographiques d'Israël, c'est encore pire, parce qu'en plus, pour bénéficier de la rotation de la Terre, en général, on tire vers l'Est. Pas de chance pour Israël, s'il tire vers l'Est, on passe direct sur les territoires palestiniens, et vraiment tout de suite, le premier étage retombe, il n'y a rien qui ressemble plus à un tir de lanceur qu'un tir de missile, donc obligé de tirer vers l'Ouest avec un petit lanceur et pas de capacité, c'est pas un bon plan. Donc effectivement, ça ne marche pas, il y a des règles physiques, ceci dit, Israël coopère avec tout le monde, avec tous ceux avec qui ils peuvent, et en particulier Israël coopère beaucoup avec la Russie. C'est très intéressant parce qu'il y a aussi, dans le spatial, vous avez des communautés. Et donc, il y a des Russes, Juifs émigrés en Israël qui ont gardé des liens avec la Russie. Et donc, il y a un certain nombre de petits satellites scientifiques qui ont été lancés par ces fameux missiles reconvertis que sont Rokot ou d'autres. Donc, ça, c'est pour Israël. Pour le spatial militaire chinois, c'était ça votre deuxième question. Spatial militaire chinois. Alors, oui. Le spatial militaire chinois, bien sûr qu'il existe. Il a aujourd'hui, en nombre de satellites tirés, il n'est pas du tout impressionnant parce que ce sont essentiellement des satellites. Alors, je ne sais plus s'il y en a encore en ce moment en l'air ou pas, mais qui sont des satellites de reconnaissance, mais qui retombaient. Donc, qui retombaient avec les photographies. Ce qui était la bonne vieille méthode des années 60 des soviétiques. C'est le satellite lui-même qui... La capsule. On éjecte une grosse capsule qui, si vous voulez, est un peu sur le principe avec lequel les Russes font revenir les cosmonautes, qui reviennent aussi dans une capsule. Donc c'est des grandes filières bien identifiées. Ils ont des satellites de télécom faits en interne. Mais là, si vous voulez, les Chinois, ils se heurtent vraiment à ce problème des transferts de technologie et de la souveraineté, c'est-à-dire que bien par définition, le militaire ne va vouloir utiliser qu'un satellite made in China, ce qui est assez logique. Et donc, ils ont pour l'instant des capacités limitées. Leur fameux programme de navigation Beida, qui est quand même prévu pour arriver après Galileo, pour ceux qui s'inquiètent. Beida ou Beidou ? Beida, ça dépend comment vous le prononcez. Ça s'écrit OU, je crois que ça se prononce A, mais mon chinois n'est pas extrêmement performant. Hein. Mais en tout cas, leur programme, alors Beidou, si vous voulez, il sera très gouvernemental. Donc, il sera extrêmement fermé, mais il ne sera pas exclusivement militaire. Les vols habités sont considérés comme militaires en Chine. La raison en est que d'une part, vous avez toute la filière de l'armée de l'air, hein, qui est assez classique dans la préparation des taïkonautes, cosmonautes, spationautes, astronautes, enfin vous pouvez varier les appellations. En gros, ça recouvre à peu près la même réalité. Bon, en tout cas, ils ont effectivement des... Ça dépend de l'armée de l'air. Et une des raisons qui est parfois évoquée, c'est que le programme spatial habité a commencé à se mettre vraiment en place à un moment où l'armée populaire de libération perdait une partie de son influence commerciale, parce qu'il y avait une grande réforme de l'industrie de défense dans laquelle les militaires, avec énormément de corruption et autres, avaient un petit peu trop trempé les mains. Donc ils ont été écartés à partir de 1998 et ça a été un petit peu une forme de l'autre compensation en termes de prestige, d'image nationale, etc., etc. Ils auront à terme un spatial militaire, c'est évident, avec de l'alerte qui leur permettra de détecter des tirs de missiles, avec de l'écoute qui leur permettra de faire de l'espionnage, avec un petit peu plus de reconnaissance. Pour l'instant, ils sont bridés par les technologies et par un budget qui reste un budget très faible, d'autant plus qu'il faut quand même bien voir que l'appareil de défense dans sa totalité en Chine est encore très en retard, dans le domaine des avions, dans le domaine des bateaux, dans le domaine des sous-marins, dans le domaine des porte-avions, etc., etc. Donc le spatial aura une part, mais ça va prendre du temps. Est-ce qu'on peut comparer d'ailleurs les budgets spatiaux de ces différents pays ? Est-ce qu'au doigt mouillé dans la tempête, vous avez une idée des différentes ordres de grandeur ? Oui, non, je voulais juste rajouter à ce qu'a dit Isabelle sur les... on a parlé des vols habités chinois. Il y a aussi les bases de lancement sont entièrement sous le contrôle des militaires. Absolument. Et toujours pour l'anecdote, il n'y a qu'une base de lancement chinoise sur laquelle vous avez un tir qui fait que les premiers étages retombent sur les populations, qui est la base de Xichang, avec un film que j'ai vu une fois, qui est un film chinois, un documentaire chinois qui est extrêmement intéressant. Et qui montre en fait comment vous avez des types qui passent dans les villages, mais vraiment avec un tambour, etc., en disant ce soir, lancement du satellite à 2h du matin, vous devez être dans des caves, etc., etc. Après, on voit l'armée qui vient récupérer, puisque c'est l'armée qui est en contrôle, qui vient récupérer les gros morceaux de boosters et les Chinois locaux qui essaient de négocier pour se faire dédommager le temps qu'ils ont pensé à sortir le truc de la rizière, et l'armée qui dit mais on vous l'avait pas demandé de le sortir. Enfin bon, c'est assez, assez intéressant. Faudrait que je retrouve. Si je le retrouve, je vous le donnerai sur le site. Pour répondre, la deuxième question, c'était donc il y avait sur les budgets. Oui. Alors, les budgets à la louche. Oui. Alors, chacun son expression. Ça doit être plus féminin la louche. Donc il y a à peu près entre 36 et 40 milliards de dollars de budget spatial américain, civil et militaire confondus, à peu près. Là. À la louche, parce qu'on a une partie qui est dans l'antimissile, dans du spatial militaire, parce qu'en fait, ça joue plus sur le bouclier. Allez, 40 milliards, je vous le fais à 40 milliards. Allez, 36, mais vous me le faites à 36, d'accord. Ça me suffit. On doit avoir un budget spatial européen à 6 milliards, tout confondu. Sur le civil, il est presque entièrement civil. Il est presque entièrement civil. Ça doit faire au moins que ça, moi, je dirais dans les 4 milliards à peu près. D'euros, donc. Moi, j'avais retenu un rapport de 1 à 8 entre le budget américain et le budget. On va dire 6. On va faire 6. On est en dollars, là. Ensuite, on a. Alors, le spatial russe, qui se met à grimper de manière très significative depuis en gros 3-4 ans, c'est très récent, et qui atteindrait aujourd'hui peut-être 3 milliards, mais enfin on est quand même à la moitié, donc songez à tout ce que font les Russes avec 3 milliards. Bon, alors après c'est compliqué, ils revendent en fait aux Européens et aux Américains une partie des prestations qu'ils font sur la station. Enfin bon, vous avez les Chinois qui sont probablement comparables aux Russes, alors on n'a pas de budget spatial chinois, mais on est dans le même ordre de grandeur. On est 3-4 milliards de dollars, on va dire. On a les Indiens qui sont à 1,5. La moitié. La moitié. On a les Brésiliens qui sont à 300 millions. Oui, là on est 100. Et donc voilà. Donc ce qui vous explique pourquoi quand même il y a une hyperpuissance spatiale américaine. Parce que le budget spatial américain au-delà de 30 milliards de dollars, ça fait plus de 20 ans. Et avant, vous aviez le programme Apollo. Et avant, vous aviez du spatial militaire. Donc, c'est évident que les sommes investies dans l'espace par les États-Unis ne sont absolument, absolument pas comparables. On voudrait le représenter sur un graphique. Il faudrait un graphique en log pour qu'on réussisse à faire apparaître les petits budgets. Le budget de la NASA, c'est 17 à 18 milliards. 17 à 18 milliards de dollars par an. Et il y en a autant côté militaire. Plus. Donc... D'autres interventions, on s'achemine vers la fin de notre soirée. Est-ce que les uns et les autres ont quelque chose à dire ? Il y a Vladimir Poutine, là j'ai vu ça, qui a indiqué qu'il voulait dépenser 50 milliards de dollars d'ici 2020 pour que la Russie redevienne une grande puissance spatiale. Bah oui, mais divisé en 7 ans, vous allez voir ce que ça fait. Ben oui, mais c'est 7 fois, vous avez dit 7 fois 3, ça fait 21. Oui, donc c'est ce que je dis, ça augmente 7 fois 7, 49. Ah oui. Donc en gros, l'idée, c'est de monter en puissance jusqu'à 7 milliards de dollars. Mais 7 milliards, c'est encore à peu près juste le budget spatial européen. Absolument. Ils construisent une nouvelle base de lancement qui s'appelle Vostochny, qui est en Sibérie. Ils développent de nouveaux lanceurs. Et puis surtout, ils essaient de rattraper l'énorme retard qu'ils ont accumulé dans leur outil de production industrielle. Parce que le spatial russe, il a été très, très, très peu financé. Il commence à l'être depuis 2000, depuis l'arrivée de Poutine. On voit vraiment la montée depuis 2010. Mais l'année 2011, elle a été catastrophique, ce qui prouve qu'il y a encore des progrès à réaliser. Mais la Russie, ça, moi, c'est un de mes dada. Hein. La Russie, avant la Chine, redeviendra une très grande puissance spatiale. Donc on se focalise un peu sur la Chine, un peu trop. Hein. Je crois que c'est une des grandes leçons qu'on peut retirer de cette soirée. Il y a de l'argent, mais il faut aussi des hommes. Et le spatial russe, enfin, la population s'est dispersée à la chute de l'Union soviétique. Les ingénieurs, c'est ça, le savoir-faire, etc. Oui. Ils ont réouvert les écoles d'ingénieurs. Il y a une grande école qui est Moscow Aviation Institute, qui ressemble à l'école polytechnique. Elle a été véritablement réouverte à partir de 2008, ce qui veut dire que vous avez un trou énorme entre la fin du spatial et les gens sont très âgés. Vous avez des gens de plus de 70 ans qui sont... qui vont donner cours, qui vont faire cours. Qui vont faire cours, mais surtout qui sont ingénieurs dans les entreprises spatiales. Ah oui, il y avait un article dans la presse russe un petit peu amusé qui disait que maintenant les grosses entreprises devaient payer des voitures avec chauffeurs pour aller chercher les ingénieurs qui étaient un peu trop âgés pour prendre les transports en commun. J'avais une petite question quand même sur l'Iran, c'est un pays dont on n'a pas parlé. L'Iran, en quelque temps, a réussi son premier lancement, et le Brésil, ça fait des décennies, si je ne me trompe pas, qu'ils essayent de lancer leur premier satellite sans y parvenir. Comment est-ce qu'on explique cette différence? Je sais pas, mais il y a une expression brésilienne, je crois, c'est quand les États-Unis tous, le Brésil éternue, enfin je sais pas quoi, qui juste signale qu'en fait le programme missile brésilien, c'était inconcevable du côté américain. Or, au départ, oui. Il y a eu une dictature militaire pendant assez longtemps au Brésil, et la dictature militaire en question, elle concevait d'abord un programme de missiles et en parallèle un programme de lanceurs. Donc il y a eu ensuite la démocratie, on a revu les systèmes de propulsion et la philosophie du nouveau lanceur, mais le Brésil n'a pas encore affiché justement cette espèce de souci de souveraineté. Il utilise du spatial applicatif. Par ailleurs, le Brésil, c'est un pays qui, je dirais, conçoit son développement ultérieur plutôt sur des bases libérales. Donc, même si les derniers gouvernements étaient peut-être un peu plus favorables à un poids plus fort de l'État. Donc, l'Iran, c'est différent. L'Iran, moi, j'étais très surprise en travaillant récemment, il faisait partie des pays qui étaient intéressés par les programmes de fusées-sondes dans les années 1950, avant même les lancements des premiers satellites. Donc, il y a eu l'Iran du Shah, il y a eu un Iran qui, sous influence américaine, a essayé de s'occidentaliser, de faire de la science, etc., etc. Bon, après, effectivement, il y a eu des épisodes douloureux et difficiles. Mais l'Iran a un programme de missiles parce que là, ça fait pas... C'est clairement dit, l'Iran estime qu'il a une forme de défense à faire. L'Iran le présente comme préserver sa sécurité avec un programme de missiles et de bombes nucléaires. Bon, c'est évident que quelqu'un qui a une arme braquée sur vous, si vous dit que c'est pour se défendre, vous voulez bien le croire, mais n'empêche que vous aimeriez mieux qu'il n'ait pas une arme braquée, parce que, bon, vous ne savez jamais. Donc c'est vrai que l'Iran, c'est problématique, mais les conditions géographiques en Iran, ce qu'on évoquait sur la nécessité de satellites de télécom ou le reste, ça pourrait justifier un programme spatial dans un système qui serait certainement plus ouvert et qui aurait une place plus apaisée dans la communauté internationale. Je crois qu'il y a une composante nationaliste forte dans le programme iranien. On parle de pays du Moyen-Orient. Il est sorti, je ne l'ai pas vu, mais ces jours-ci, un film sur l'embryon d'un spatial au Liban. L'embryon d'un spatial au Liban. Qui a été avorté par la suite des guerres civiles qu'il y a eu. Ah oui, il y a eu un film sur là-dessus, oui, effectivement. Oui. Donc vous l'avez vu, c'était intéressant. Non, je l'ai pas vu. Ah bon, d'accord. Oui, il faut aller le voir. Après, vous avez les Égyptiens qui ont acheté un satellite de télécom il y a très longtemps pour, par exemple, diffuser de la télé égyptienne sur qui est quand même une télé très très connue dans le Moyen-Orient. Donc ensuite, il y a eu un programme Arabsat, mais ça c'est très vieux, qui était un programme régional à l'initiative de la Libye. On remonte dans les années 80 et qui voulait recréer une unité arabe. Simplement, ils se sont jamais vraiment entendus sur le contenu des émissions et sur même le contenu des informations. Et donc, à un moment, Arabsat diffusait 10 minutes par jour, c'était pas beaucoup. Et donc, les répéteurs ont été loués à des opérateurs de télécom privés, etc. Donc, le programme Arabsat continue à exister. Vous avez les Émirats Arabes Unis qui veulent aussi démontrer qu'ils sont une puissance moderne et qui ont fait lancer Yassat il n'y a pas longtemps, du satellite par les Russes. Enfin bon, ça existe, mais de là à devenir une puissance spatiale avec tous les attributs de la puissance spatiale, non. Bon, beaucoup de pays, bon, le Vietnam aussi. L'Indonésie. Le Vietnam, l'Indonésie, bon. La Turquie qui veut développer une industrie spatiale après avoir coopéré avec, enfin, coopéré ou acheté les satellites, les Turksat, Goksat, qui voudrait que les exemplaires suivants soient intégrés en Turquie et même les générations d'après carrément fabriquées en Turquie. Bon, ça viendra progressivement peut-être, mais il y a le satellite et il y a le lanceur. Et, enfin, c'est comme ça en France qu'on voit les choses, en tout cas. C'est que le préalable, c'est l'autonomie d'accès à l'espace. Et, bon. C'est la définition qu'on donne de la puissance spatiale. Arabsat, Vostochnik, NASA, Baidu, Nitar, Energa, Rotop, Enyep, Microsap, GSL, VLP, CRS, Martin, Zenith, Tata, Orbiter, Bip, Bip, Bip. Le jargon de la communauté spatiale, c'est déjà du chinois. Michel Lascaux. Ah oui, il faut expliquer, hein, c'est compliqué, c'est tout un monde, hein, tout ça. Alors, je voudrais, avant qu'on dise au revoir et qu'on remercie nos deux intervenants, il y a une autre personne que je voudrais qu'on applaudisse, c'est Marie-Claude Siron, parce que Marie-Claude Siron, du CNES, c'est la cheville ouvrière de ces soirées des Mardis de l'espace. Un beau programme pour la saison qui continue avec à nouveau 9 Mardis de l'espace. Donc, et on recommence donc en octobre. Alors ce soir, moi j'ai compris qu'il fallait ne pas... Enfin, c'est ce que je retiens en tout cas. Ne pas surestimer la Chine. Et vous m'avez convaincu. La Russie reviendrait dans le jeu. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ne pas oublier le Japon. Bref, voilà. On a appris plein de choses ce soir. Et merci infiniment surtout à Isabelle Sourbès et puis à Richard Bonneville pour leurs explications. Au revoir. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée.